légère baisse des températures pour la fin de la semaine. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Les annuaires ne se vendent plus. L'imprimerie Trudeau, basée en Flandre et en Wallonie, dépose le bilan. 600 travailleurs sont concernés. Les vendeurs et les employés des magasins Dodd sont descendus dans la rue aujourd'hui. La direction leur a dit qu'ils ne devaient pas se présenter au travail. L'entreprise est en réorganisation judiciaire depuis des mois. Et les étoiles dans le ciel, de moins en moins visibles à cause de la pollution lumineuse. Les ampoules LED sont en partie responsables. Les diables vont bien. L'absence d'hasard sur le terrain de l'entraînement ce matin n'a rien d'inquiétant. C'est l'entraîneur qui le dit, Marc Wilmots, qui a décidément des ambitions. Ce qu'il vise, c'est la finale, rien de moins. Manger les restes, les presque périmés, c'est une belle manière de faire des économies. Même les plus grands chefs le disent. C'est le cas de Jean-Phi. La qualité du produit est quand même fort importante, mais voilà, c'est pas parce qu'il reste deux jours de limite de consommation que c'est plus bon. Jean-Philippe Wattein, le grand chef à cuisiner pour les plus démunis avec les invendus des grandes surfaces ce midi. C'est l'heure du journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. C'est sans doute la fin d'une époque. Oui, vos annuaires téléphoniques ont du plomb dans l'aile. Les pages d'or, en tout cas, risquent de disparaître. La société Truvaux qui les édite vient de déposer le bilan. Elle se cherche un repreneur. Le personnel a été informé ce matin après un conseil d'entreprise extraordinaire. Raymond Vraidax est délégué CNE. La conséquence normalement d'une faillite, c'est que l'entreprise ferme et le curateur habituellement licencie l'ensemble des travailleurs. Ce que je ne sais pas dire à ce stade-ci, puisque la nouvelle vient de tomber, c'est comment va-t-on vivre effectivement dans les jours qui viennent. Et donc je vais être en assemblée avec les travailleurs pour répondre à leurs questions et j'espère pouvoir avoir un contact avec la direction aujourd'hui pour y voir plus clair. Une dame me disait en sortant, à 14h, c'est fini, on nous met dehors. C'est effectivement ce que j'ai appris tout à l'heure, mais ça moi je n'en ai pas la confirmation personnellement. Truvaux, c'est 138 travailleurs en Wallonie, 580 plus ou moins en Belgique. L'impact social, il sera de combien? Mais la faillite, normalement, si on n'a pas de repreneur, c'est les 580 travailleurs qui sont licenciés purement et simplement et qui se retrouvent effectivement au chômage. Donc l'impact social est énorme. On espère qu'effectivement qu'un repreneur pourra se manifester et qu'on puisse alors à ce moment-là voir combien d'emplois pourront être sauvegardés à ce stade-ci. Raymond Vraidax, délégué CNE chez Truvaux avec Eric Destiné. Et un groupe vient justement de se manifester pour la reprise, le groupe FCR Média. Il vient de faire une offre de reprise qui permettrait de sauver 310 emplois. Chez Dodd, magasin de vêtements et accessoires, les employés sont descendus dans la rue. La chaîne Outlet est en procédure de réorganisation judiciaire depuis le mois de novembre dernier. Aujourd'hui, la direction a annoncé au personnel des 22 magasins de Bruxelles et de Wallonie qu'ils ne devaient pas venir travailler demain. 2000 travailleurs sont concernés. L'affaire passera devant le tribunal du travail ce jeudi. Alors une question, comment vous rendez-vous sur votre lieu de travail? Est-ce à vélo, en métro, en voiture ou en train? Eh bien en grande majorité en voiture. La réponse n'est pas très surprenante. Hein. Le métro boulot dodo, c'est pas pour les Belges manifestement. Ces dernières années, vous utilisez tout de même un tout petit peu moins la voiture, mais ça reste le mode de déplacement préféré des travailleurs chez nous. C'est le résultat d'une enquête menée par le SPF Mobilité auprès des employeurs. Résultat, les travailleurs ont donc bien du mal à lâcher le volant. Pourtant, les employeurs, Pierre Magos, les entreprises font des efforts pour qu'ils le fassent. Elles accordent à leurs salariés deux fois plus d'indemnités vélo qu'il y a 10 ans. Elles offrent de plus en plus la gratuité des transports en commun et les encouragent le covoiturage, le télétravail. Beaucoup se sont dotés d'un vrai service d'aide à la mobilité. Valérie Legard en est la responsable pour la société Elia. On a un budget annuel pour la mobilité, pour le développement infrastructure vélo ou alors infrastructure voiture électrique. Et donc, on a un budget également pour les formations qu'on donne au personnel, pour les formations éco-driving. Et ça représente combien? Plus ou moins 40 000. Exclusion de tout ce qui est abonnement, SNCB, etc., qui est géré par les ressources humaines. Donc vraiment, la partie gérée au département environnement, mobilité. Des coûts qui restent dissuasifs pour certaines entreprises, d'autant que ceux qui en ont l'expérience reconnaissent eux-mêmes que le retour sur investissement n'est pas facilement chiffré. chiffrables. Benoît Losvelt est coordinateur mobilité dans une institution de crédit. Non, c'est pas facile, d'un, parce qu'on n'a pas de budget spécialement, deux, parce que c'est pas financièrement un impact direct, et trois, après, on est dépendant des transports en commun, des grèves, de toute une certaine autre chose, et beaucoup de règles fiscales et sociales. On ne fera pas l'économie d'une approche fiscale de la mobilité ? Ah non, ça non. S'il n'y a pas d'avantage au niveau fiscal et au niveau social, on n'avancera pas. Bref, les entreprises disent faire leur part du boulot. Elles en attendent autant des pouvoirs publics. Coupable, le jury d'assises d'Arlon a déclaré coupable la mère de Célia et son compagnon, coupable du meurtre de la fillette de 20 mois. C'était le 28 octobre 2013 à Messancy. La fillette était morte des suites des coups reçus. Les jurés doivent maintenant se prononcer sur la peine. Bruxelles, sans dessus-dessous, autour du quartier européen aujourd'hui. Il faut dire que tout le gratin politique européen est à Bruxelles cet après-midi pour un premier Conseil européen d'après-Brexit. David Cameron, le Premier ministre britannique, se retrouve face à ses homologues pour la première fois depuis le vote de vendredi dernier. Il l'a répété en arrivant, ce ne sera pas lui qui négociera la sortie de l'Union, mais son successeur, David Cameron, qui veut que tout cela se passe dans de bonnes conditions, qu'Europe et Royaume-Uni se quittent bons amis. Nous disons que la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne, mais je veux que ce processus soit aussi constructif que possible et que son résultat le soit également. Parce que même si nous quittons l'Union européenne, nous ne devons pas tourner notre dos à l'Europe. Ces pays sont nos voisins, nos amis, nos alliés, nos partenaires. Et j'espère personnellement que nous chercherons les relations les plus proches possibles en matière de commerce, de coopération et de sécurité. Parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour eux. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit que les discussions se tiendront aujourd'hui. David Cameron, traduit par Julien Geffredo. Notez qu'on a une idée du ton des discussions. Les parlementaires européens ont voté ce matin pour lancer la procédure sans délai. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, s'est dit prêt à commencer la procédure de divorce dès aujourd'hui. Le sommet se poursuit demain, mais sans les Britanniques. Pour la première fois, les 27 se voient donc sans David Cameron. Avoir la tête dans les étoiles, c'est de plus en plus compliqué. Oui, parce que les étoiles sont tout bonnement en train de disparaître. Ce n'est pas qu'il y en ait moins, non, mais elles sont moins visibles. 6 Européens sur 10 ne voient plus les étoiles à cause de la pollution lumineuse. L'Institut italien de la pollution lumineuse vient de publier l'Atlas mondial de la luminosité artificielle du ciel nocturne, c'est comme ça que ça s'appelle, et cet atlas est un peu déprimant. Avec nous, Francesco Lobue, président du Cercle d'astronomie et professeur à LUMONS, l'Université de Mons. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cet atlas est particulièrement déprimant. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit plus les étoiles comme on les voyait par le passé ? Oui, en fait, cet atlas montre un constat assez effrayant. C'est qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits dans le monde où on peut observer correctement les étoiles. Et si on prend la situation de l'Europe et de la Belgique en particulier, c'est vraiment catastrophique. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Les étoiles, évidemment, elles sont toujours là dans le ciel, mais on ne les voit plus parce que nos yeux sont complètement éblouis par toute cette lumière parasite qui est produite artificiellement la nuit. Donc, ce sont toutes ces ruelles, ces rues, ces autoroutes éclairées en permanence. En Belgique, la moindre petite ruelle, en fait, émet beaucoup de lumière toute la nuit. Et ça, c'est une catastrophe. Alors, les LED, par exemple, sont aussi très mauvais, apparemment, parce qu'ils empêchent notre vue d'être efficace dans la nuit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, dès que vous êtes devant une source de lumière, vos yeux se rendent compte qu'il y a beaucoup de lumière, votre pupille, en fait, se rétrécit, donc vous captez moins de lumière. Et du coup, tout ce qui est faible disparaît complètement. Alors, dans le temps, on pouvait dire encore aux gens, mais voilà, vous savez, éclairer les rues, ça ne sert à rien d'éclairer ça en pleine nuit de façon aussi intense. On peut faire des économies d'énergie. Le problème, c'est que maintenant, les LED ne consomment plus beaucoup. Et donc, cet argument ne tient plus la route. Et donc, les gens n'ont plus beaucoup de freins, en fait, à éclairer, vu que ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment moche. Et donc, on constate effectivement que la situation empire encore. Il y a des endroits où on ne voit vraiment plus la Voie lactée qui porte un si beau nom. Oui, il n'y a plus beaucoup de gens qui voient la Voie lactée. Bientôt, je pense qu'on ne pourra plus la voir que dans le planétarium. Malheureusement, ça c'est un peu moche. Et on se rend compte facilement, hein. On observe le ciel depuis 20 ans. Alors on connaît tous des petits endroits un peu comme ça éloignés des villes où on voyait pas mal le ciel de façon raisonnable. Et on voit qu'avec les années qui passent, ben, les villes gagnent en extension, on a de plus en plus de maisons, etc. Et donc la Voie lactée, elle, c'est clair que ça devient vraiment difficile pour la voir. À la mer peut-être. Et encore, en Belgique, je pense que les meilleurs endroits, c'est plutôt les Ardennes. Maintenant, si vous avez un jardin qui est vraiment protégé des lumières, on peut la deviner dans dans certains cas, mais c'est pas du tout ce qu'on devrait voir en vrai, en fait. Et c'est même pire que ça, il n'y a pas que la Voie lactée, les étoiles elles-mêmes disparaissent. Si vous allez sur la Grand Place de Mons, si vous voyez 5 étoiles, c'est chouette. Normalement, on doit en voir 3000. Donc, même au niveau philosophique, le fait de plus avoir ce spectacle qui vous connecte à l'univers, c'est quelque chose qui est perturbant. Merci Francesco Lobue pour se rattraper. On pourra peut-être profiter de la nuit des étoiles. C'est dans le courant du mois d'août. Plein d'observations sont prévues dans les cercles d'astronomie, notamment à Mons et ailleurs en Belgique. On part à Bordeaux pour prendre des nouvelles de nos diables. À l'entraînement ce matin, manquait Thomas Vermaelen. Il ne jouera pas vendredi, donc il se repose. Manquait aussi Eden Hazard. Pas d'inquiétude, dit Mark Wilmots. Le capitaine souffre de contracture au quadriceps, à la cuisse donc, mais son état est rassurant. À mon idée, il va rentrer pas demain, mais après-demain. Je l'ai laissé aux soins. Il fait un travail à l'intérieur avec les kinés. Ça évolue bien. Donc normalement, le jour avant le match, il devrait être là à 100%. Mark Wilmots, l'entraîneur qui a la niaque, autrement dit des ambitions, il n'a jamais été aussi clair sur ses attentes. Si moi je ne rentre pas dans aucune catégorie, chaque match je le prends pour le gagner et d'aller le plus loin possible. Je vois que la Belgique depuis 4 ans s'est qualifiée pour 2 tournois, elle a été 2 fois première de groupe, elle fait 2 quarts de finale. Je pense qu'on est déjà à un bon niveau quand même. Maintenant, tu sais quoi, moi quand j'arrive en quart, j'ai qu'une seule obsession, c'est d'arriver à la finale. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on veut, mais entre ce qu'on veut et les rêves, on ne calcule pas si on est favori ou pas. Je sais que ça va être difficile à chaque match, vous l'avez vu, vous avez peut-être vu l'Angleterre hier. C'est très difficile de défendre contre des blocs qui courent, qui bougent, qui ferment les espaces. L'Islande a fait un bon match hier, voilà. Est-ce que la France va gagner contre l'Islande? Je suis pas sûr. Personne ne peut le dire. Sinon, ça serait de l'arrogance. Moi, ce qui compte, c'est que mon groupe soit prêt, mentalement, physiquement, avec un focus vraiment de se dire, on veut aller au bout. Et quand tu veux faire ça, moi, j'ai aucun problème, hein. Aucun. Des propos recueillis par Thierry Luther sous Nos Diables à Bordeaux, où Nos Diables restent jusqu'à jeudi. Le match, c'est pour vendredi à Lille. La veille, ce sera Pologne-Portugal, premier quart de finale. Et à Wimbledon, une Belge est montée sur le court il y a un petit peu plus d'une heure. C'est Alison Van Uytvanck. Elle affronte la Britannique Tara Moore. Sur le papier, elle a ses chances. Sur le gazon, comment ça se passe? On le voit avec vous, Christine Anquet. Elle a moins ses chances. Alison Van Uytvanck, qui est la dernière Belge à entrer dans le tournoi. Elle espère bien sûr ne pas être la troisième Belge à en sortir, mais c'est mal parti. Elle rencontre donc une jeune demoiselle qui est classée juste 100 places derrière elle, au 227e rang mondial, Tara Moore, qui a remporté le premier set 6-3, qui a commis moins d'erreurs que la joueuse belge, et qui tente, qui se donne, mais qui a du mal depuis son retour à la compétition il y a 3 semaines. Alison Van Uytvanck, on le rappelle, a été blessée au pied pendant 3 mois. Elle n'a plus mal maintenant, mais elle n'arrive pas encore à faire la différence à la fin de ses sets, à la fin de ses matchs. Et c'est vrai que c'est à la fin du premier set qu'elle a perdu son service sur 2 doubles fautes de suite. Elle manque de compétition, ça c'est certain. La Britannique a donc un set d'avance et elle a même aussi déjà un break d'avance dans le deuxième set. 6-3-2-1 pour Tara Moore. Merci Christine, on suit ça avec vous bien sûr dans le courant de la soirée. Accommoder les restes en cuisine, c'est tout un art. La moindre mère de famille le sait très bien, manger les restes c'est aussi une manière de ne pas dépenser trop d'argent pour la nourriture. On peut aussi accommoder les invendus pour faire plaisir à ceux qui ont moins de chance dans la vie. Les restes, les invendus cuisinés par un grand chef, c'est même pur plaisir à Mons. Les bénéficiaires du CPS l'ont constaté ce midi derrière les fourneaux. Jean-Philippe Watteigne, une célébrité depuis sa participation à une émission de télé-réalité sur la cuisine. Reportage Vinciane Vautron. Merci. Ici pour l'entrée, donc on a des œufs cuits à 63 degrés, ce qu'on estime maintenant la meilleure cuisson pour un œuf. C'est un menu 3 services que Jean-Philippe Watteigne propose dans son bistrot. Particularité ce midi, il est destiné à des bénéficiaires des colis alimentaires. Eliane en fait partie. Bon appétit, belle dégustation. C'était la première fois pour moi de goûter, c'était très bon. Vous venez souvent dans le restaurant? Non, pour moi c'est la première fois. C'est la première fois et voilà, j'ai aimé, c'est convivial ici, c'est beau, avec des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, vraiment c'est super. Le principe de ce troisième repas solidaire est de demander à un chef montois de concocter un repas équilibré à partir de produits invendus, mais consommables. Jean-Philippe Watteigne. La qualité du produit est quand même fort importante, mais... voilà, c'est pas parce qu'il reste 2 jours de limite de consommation que c'est plus bon. Donc c'est des produits qu'on peut vraiment utiliser sans aucun problème et on peut bien sûr les sublimer et en faire quelque chose de plus gastronomique. C'est la plateforme Soréal qui gère à Mons la collecte des produits dans la grande distribution. Cette année, 30 tonnes d'aliments ont déjà été récoltées. Une manière de lutter contre le gaspillage qui représente chaque année entre 14 et 23 kilos de nourriture par personne en Wallonie. Et à 17h14, c'est la fin de ce journal. Ben, cuisinier reste, vous, Cyril ? Alors oui, j'ai une recette assez particulière. Tous les fans de cuisine doivent se boucher les oreilles là tout de suite. Une espèce de hachis parmentier des restes. Vous imaginez ? Donc en fait, vous prenez, si vous avez du jambon, si vous avez n'importe quelle viande, vous mixez tout. Et puis vous rajoutez un petit peu de pommes de terre, vous mélangez le tout, vous tapez ça au four et je vous assure que ça peut être très très très bon. Moi c'est la croûte au fromage. Tous les restes de fromage, ouais. Tout ce qui reste, qui est plus très très frais là comme ça, je les mets tout sur une tartine, dans le four. Et c'est bon ça ? C'est pas mauvais. Ah, vous rajoutez un petit peu de sirop de liège au-dessus de ça, ça doit être une tuerie. Non, moi je mets plutôt du persil moi. Ah bah c'est différent, c'est moins sucré en tout cas. Merci Manu pour ce journal. Dans un instant on va parler d'ailleurs des restaurants avec le classement des pays qui laissent le plus ou moins de pourboires. La Belgique n'est pas dans ce classement. Est-ce que vous laissez des pourboires quand vous allez au resto ou pour d'autres services, les taxis, les hôtels? Est-ce que vous êtes du genre à laisser des restos des pourboires ou en recevoir? Combien et quand est-ce que vous le faites? Vous me le dites par SMS au 3063. On en parle dans un instant. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. C'est l'heure de retrouver tout de suite un point RTBF Mobile Info. Ça circule relativement bien sur nos routes. Quelques ralentissements. Ralentissement habituel du quai Saint-Léonard vers le quai sur Meuse, en au centre-ville de Liège. Il y a également un ralentissement du côté du boulevard d'Avroy vers l'avenue Maurice d'Estenay en plein centre de Liège. Et puis on vous rappelle également ces travaux. Travaux sur le 40 Bruxelles-Liège entre Crisney et Ognoul dans les deux sens. Les voies de gauche et centrale sont neutralisées. Travaux également qui vous embêtent depuis super longtemps sur le 40 Aix-la-Chapelle-Liège entre Herstal et Cherat dans les deux directions. Là pour l'instant ça circule relativement bien et puis également travaux de longue durée sur le 42 Prume-Bâtisse. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité La Une présente le Vaurire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Ruten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vaurire.be. Vivacité présente l'année du patrimoine. Participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com, une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Bonjour, c'est Romelu Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Envie d'infos où, quand et comme je veux. Bienvenue en ce journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le forum. Aujourd'hui, à l'aide de l'actualité, plusieurs centaines de migrants. RTBF Ovio, l'info où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Tag Brussels, Siayang. Donc c'est avant Bruxelles, là. Je vais rue Haute à place Jeu de Balle, là. Et à Bistrot, tout le monde parle bruxellois et qui s'appelle, je ne sais même plus comment. C'est un truc qu'on mange à pistolet comme avant, avec du hachis ou du pâté. Et on prend une soupe à l'oignon et il y a plein de monde, plein de bruxellois. Et c'est très chouette. Pour moi, c'est Bruxelles, oui. C'est le Bruxelles que j'ai connu quand j'étais gosse. Vivacité. Et qui existe encore. Bruxelles nous rend complices. Du 2 au 24 juillet, Vivacité vous donne rendez-vous sur les routes du Tour de France. Toute l'actu du Tour, les particularités de l'étape, les enjeux, le tourisme et bien sûr la course avec les arrivées en direct. Du lever des coureurs jusqu'au podium, ne ratez pas un instant de la grande boucle. Le Tour de France, vivez-le en direct sur Vivacité. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vous aimez nos émissions? Vous voulez être le premier à savoir ce dont on parlera aujourd'hui? Vous avez envie de partager vos idées? Ou de retrouver des infos données à l'antenne? De tout connaître des coulisses de la radio? Bref, vous aimez Vivacité? Cliquez-le, nous sommes sur Facebook. Tapez Vivacité et cliquez sur J'aime. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Vivacité. jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Bon bah j'espère que votre journée a été plutôt bonne et qu'on va bien la finir ensemble comme tous les soirs jusqu'à 19h avant le tip top tout à l'heure. On va faire le tour de ce qui est fait l'actualité de cette journée. Au programme de ce 5 à 7, et bien cette ville, ses voisins français qui nous attendent, Lille attend plus de 100 000 fans belges ce vendredi. Alors vous comptez, vous peut-être, vous rendre au stade ou dans la fan zone à Lille où la fête sera belle, on l'espère, après la victoire de la Belgique, ce serait quand même pas mal. Mais après cette fête, si certains comptent rentrer, d'autres attendre d'être adoptés pour une nuit. Le hashtag adopte un belge cartonne sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Nous allons revenir sur ce buzz dans un instant. Journée de pause à l'Euro de foot justement, et du coup on va s'intéresser à un autre sport aujourd'hui, le jet ski, le jet assis. Et le nouveau champion du monde de jet assis, il est belge, il sera avec nous tout à l'heure. Il y avait une question dans l'actualité il y a quelques mois. Et si on taxait les sodas pour que les gens en consomment moins? C'est l'idée qui a été adoptée, c'était il y a 6 mois. Alors aujourd'hui, l'heure est au bilan. Est-ce que la consommation de sodas et de boissons sucrées globalement a diminué en Belgique? La réponse tout à l'heure dans ce 5 à 7. Et puis c'est l'événement cette semaine dans l'émission. Vous remportez vos places pour aller voir Michel Polnareff en concert. Il revient en Belgique. Ce sera le 19 juillet au Francofolie de Spa. Si vous voulez gagner vos places pour aller l'applaudir Michel Polnareff, je vous dirai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et puis on le retrouvera aussi comme tous les jours avant 18h avec Régine Dubois pour son interview exceptionnelle qu'il a accordée à Vivacité. Tout ça et bien d'autres choses encore, bah c'est le programme de ce 5 à 7 qui démarre. Y a-t-il un Lillois pour adopter Théodore? Juste une nuit, vendredi après le match de la Belgique. C'est en gros le message qu'il a posté, Théodore, sur les réseaux sociaux. Et ça buzz depuis avec le hashtag adopte un Belge. Théodore Taymans, vous êtes avec moi ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir Théodore. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors vous avez posté sur les réseaux sociaux une lettre. En gros, cette lettre, vous demandez à pouvoir être hébergé à Lille, c'est ça hein? Voilà, on demande hospitalité aux Lillois. Parce que vous n'avez pas trouvé d'hôtel sur Lille. Alors c'est vrai qu'avec la qualification des Belges pour ce quart de finale, tout le monde se rue sur les dernières places dans le stade et puis sur les hôtels aussi du centre-ville de Lille. Et là, vous êtes rendu compte que c'était galère et que finalement, quand on est Belge, on aime bien faire la fête, on va peut-être pas reprendre la route derrière. Ben voilà, moi je suis de Bruxelles, c'est à une heure de route pour l'aller, c'est pas de souci, mais pour le retour, et parce qu'on va avoir envie de bien fêter, c'était mieux de loger sur place. Alors c'est une sage décision. Vous avez donc décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux avec une lettre, une belle lettre et un hashtag adopte un Belge. L'idée c'est que les Lillois puissent vous accueillir et que vous puissiez faire la fête donc avec eux vendredi soir. Est-ce que depuis que vous avez posté cette lettre, vous avez reçu des propositions de logement sur l'île, Théodore? Et voilà, les propositions commencent à arriver. Le but, c'est évidemment qu'il n'y ait pas que moi qui profite de ce hashtag. Et je sais que les premiers échanges d'hospitalité ont débuté. J'ai une amie qui a trouvé 4 places pour un logement à Lille. Donc c'est parti. Ah bah c'est sympa. Et du coup, vous êtes bien accueillis. Les gens sont prêts à faire la fête avec vous ce soir-là? Les gens sont prêts à faire la fête. Ils nous demandent évidemment d'amener des bières avec nous, mais ça c'est vraiment pas un souci. Ah bah ça forcément, un bon supporter, même si c'est à consommer avec modération, a toujours son petit bac de bière dans le coffre au cas où il se fait accueillir par Lillois. Alors là, ça risque d'être la fête ce vendredi, mais imaginez plus tard qu'il y a un match France-Belgique, vous ferez la même chose à Paris pour la finale si ça arrive? C'est comique parce que sur Twitter, il y a un Parisien qui nous dit si vous arrivez jusqu'en finale, je suis prêt à vous accueillir à Paris. Donc, ah ouais, carrément. Pourquoi pas. Ouais. Ah bah ça pourrait faire une drôle d'ambiance ça dans la maison, dans l'appartement de quelqu'un d'un Parisien s'il y a une finale France-Belgique. Tout à fait, il y a même le ministre de la ville en France qui a relayé notre tweet en demandant aux Lillois de faire preuve d'hospitalité et d'adopter un Belge. Alors justement, est-ce que les Belges aussi vous contactent pour avoir des astuces, pour avoir des bons plans pour pouvoir être logés à Lille? Bah, l'idée, c'est que vraiment, ils utilisent le hashtag adopte un Belge sur Twitter, qui se débrouillent en fait sur Twitter et sur Facebook. Nous, on a lancé le mouvement et maintenant les gens se débrouillent entre eux. Et vous êtes devenu une star des réseaux sociaux en quelques heures alors, Théodore? Mais ça a bien buzzé, oui. Ça vous donne d'autres idées pour la suite? Si on peut encore se faire adopter en finale à Paris, etc. Oui, c'est sûr qu'on va essayer de garder le concept et d'étendre à d'autres rencontres. Et ça pourrait être utilisé pour les vacances aussi? Vous n'essayez pas de vous faire adopter plus d'une nuit? Imaginons 2 semaines à l'autre bout du monde. Ben là, il y a pas mal de choses qui existent déjà pour des échanges d'hospitalité. Je pense à Troc Maison, par exemple. Vous spécialisez pour le foot, quoi. Ici, l'idée, c'était vraiment lancer ça comme ça et on verra bien ce que ça donne. Ah bah d'accord, Théodore. On rappelle donc ce hashtag Adopte un Belge. Et si vous aussi voulez loger du côté de Lille vendredi après la victoire, on l'espère, de la Belgique, en tout cas après le match, vous pouvez utiliser ce hashtag sur les réseaux sociaux. Ça buzz pas mal ces dernières heures et donc pas mal de répondants. Théodore, tant que je vous ai à l'antenne, vous qui aimez faire la fête, vous allez de temps en temps au bistrot ? Tout à fait. Est-ce que vous laissez un pourboire ? Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, il y a un classement sur les pays qui laissent plus ou moins de pourboire. Est-ce que vous êtes du genre à laisser un pourboire quelque part ? Je suis du genre à laisser un pourboire, oui. Vous laissez combien à peu près quand, imaginons, vous allez au resto, c'est quoi, qu'est-ce que vous laissez? Je dirais entre 2 et 5 euros en fonction du montant de l'addition. Ah oui, donc quand même généreux. Et alors pour des taxis, parce qu'il y a un classement qui dit qu'aux États-Unis, alors là, la réglementation n'est pas exactement la même que chez nous, puisque le pourboire, le salaire est très petit, en tout cas pour le personnel dans les restaurants. Et puis il faut toujours compter entre 15 et 20% de la note pour le pourboire. Donc aux États-Unis, pour un taxi, ça représente 20% de la course, 15 à 20% pour un resto, 2 euros pour un bagagiste à l'hôtel, et puis entre 5 et 10 dollars pour un guide touristique. C'est à lire sur dhnet.be. Vous, pour d'autres services, imaginons, vous prenez le taxi, vous laissez combien ? Ben là, ça va fort dépendre de la sympathie du taximène, en fait. Et donc ça variera de rien du tout, 1 ou 2 euros. Et parfois, c'est même lui qui vous donne de l'argent. C'est vrai, oui. Ben merci pour votre avis, Théodore. Je vous souhaite une excellente soirée et bon match vendredi. Vous laisserez un pourboire à la famille qui vous accueille ? Ah, j'amènerai plutôt à boire. Oui. Bah c'est très bien, ça fait plaisir aussi. Bonne soirée Théodore et bon match vendredi, à bientôt, bonne fête. Il est 17h26. 5 à 7. Alors justement, ce sondage qui a été publié dans la DH aujourd'hui, à lire sur dhnet.be, qui nous parle des pays où on laisse plus ou moins de pourboire quand on est en vacances. Il faut savoir que le français est la nationalité qui laisse le moins de pourboire à l'étranger. La Belgique n'est pas reprise dans le classement. Est-ce que vous donnez des pourboires ? Est-ce que vous êtes du genre à laisser quelques euros au resto, que ce soit en Belgique ou à l'étranger d'ailleurs, quand vous êtes en vacances ? Est-ce que vous laissez un petit quelque chose au taximan ? Est-ce que quand le bagagiste vous apporte vos bagages, est-ce que vous lui donnez une petite pièce ou un billet ? C'est la question que je vous pose par SMS au 30 63. Alors un point sur vos réactions cet après-midi sur la page Facebook, vous êtes nombreux à nous donner vos avis. Cécile, qui est restauratrice, qui dit « Avant l'euro, j'avais parfois plus de pourboire que de salaire, mais ça, c'était avant. » Alors, pas l'euro de foot, bien sûr, avant l'euro, la monnaie. Il y a Cédric qui dit « Je n'en laisse jamais, même à mon coiffeur. » Autre message de Catherine « En général, 5 euros au resto ou pour l'esthéticienne ou le coiffeur, mais plus pour les taxis car le service n'y est plus et leurs tarifs ont monté en flèche. » Et Claire qui nous dit aussi « Quand le service est bon et le personnel sympa, je laisse toujours un pourboire environ 10% de la note. Vous, est-ce que vous laissez un pourboire ? 3063 pour me le dire ou sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Et est-ce que vous recevez un pourboire selon votre profession ? Peut-être que c'est une profession qui permet de recevoir des pourboires. Dites-moi si c'est le cas pour vous. 3063 aussi par SMS. Manu, vous êtes du genre à laisser un pourboire, vous, resto ? Plutôt oui. Et même chez le coiffeur aussi. Et plutôt j'adore beaucoup. J'adore les massages de crâne. Ah, plutôt et donc, beaucoup, bah, ça dépend des montants. Et ça dépend du massage. Voilà. Ah, et si le massage est bien fait, vous laissez beaucoup à ce moment-là. Mais ça va de combien ? Bon, je sais pas, 2, 3, 4 euros. C'est sympathique ça déjà. Quel est le montant que vous laissez en pourboire ? 3063 pour me le dire par SMS. Dans un instant, je vous dirai comment repartir avec vos places pour aller applaudir Michel Polnareff. Il sera en concert au Francofolie de Spa, c'est le 19 juillet prochain. Ça approche tout doucement. Vos places sont à gagner ce soir sur Vivacité. On retrouve Michel Polnareff en interview aussi tout à l'heure. Et puis, juste après la pause, on s'intéressera à un sport peu exposé dans les médias. Le jet ski. Il y avait un championnat du monde dans le sud de l'Espagne qui était organisé ce week-end. Et le champion du monde dans une des catégories, il est belge. Il s'appelle Claude, il sera avec nous dans un instant dans le 5 à 7 sur Vivacité. Opération déstockage chez Big Mat Cataldo. Les blocs portes à prix d'usine. Des centaines de mètres carrés de parquet en promo. La nouvelle gamme de carrelage avec des remises de 30%. Prix aussi sur les bardages, bois de terrasse, dalles de jardin et meubles de salle de bain. Big Mat Cataldo, 16 rue Prébinet, à Liège, à 20 mètres du boulevard Poincaré. Bon, alors, vous partez en vacances le 1er ? Ah non, pas le 1er juillet. Ah bon ? Mais c'est normal, je vais faire les soldes à Belle-Île. Le vendredi 1er juillet, les soldes commencent à Belle-Île avec une nocturne jusque 22h. Et dimanche 3 juillet, ouverture exceptionnelle de 10 à 19h. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Tarzan en 3D. Une toute nouvelle aventure du roi de la jungle avec Margot Robbie, Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson et Christoph Waltz. Pour y assister le 5 juillet à Bruxelles ou Liège, 0905 56 472 57 par appel. h 30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. La faillite de la société Trouveau, l'imprimerie basée en Flandre et en Wallonie, vient de déposer le bilan. 600 travailleurs sont concernés, dont plus de 160 à Liège. Un repreneur s'est manifesté, le groupe FCR Média. Il propose de reprendre 310 travailleurs. Des soucis aussi dans les magasins Dodd, magasin Outlet. Il y en a 22 à Bruxelles et en Wallonie. Ils emploient plus de 1000 personnes. La direction a dit au personnel qu'il ne devait pas se présenter au travail demain. L'entreprise est en réorganisation judiciaire depuis des mois. Le dossier repasse devant le tribunal du travail jeudi. Les diables vont bien. L'absence d'hasard sur le terrain de l'entraînement n'est pas inquiétante. C'est l'entraîneur Mark Wilmots qui le dit. Mark Wilmots très en verve. Il vise rien moins que la finale à Paris. On a appris aussi que les diables ne s'entraîneraient pas à Lille jeudi, mais à Bordeaux comme d'habitude, histoire de préserver la pelouse du stade Pierre Mauroy qui vient tout juste d'être remplacée. Et puis ça se passe très mal pour Alison Vandahulvang sur le court de Wimbledon en ce moment face à Tara Moore, la britannique. 6-3 pour le premier set, 5-1 actuellement dans le deuxième set. Bon, c'est encore faisable, il faut y croire, mais même si c'est compliqué. Mais c'est 30-40 dans le dernier jeu là. Bon bah, on ne sait jamais. C'est possible. Merci Manu, on vous retrouve tout à l'heure à 18h et puis Journal des Sports juste après. Un petit coup d'œil à la météo, une très faible zone pluvieuse traversera notre pays la nuit prochaine et traînera encore temporairement mercredi prochain. Mercredi matin, il fera par la suite sec et les températures resteront comprises entre 17 et 21 degrés. Un point RTBF Mobile Info avec Adrien Demey, comment ça roule cet après-midi ? Quelques perturbations, notamment liées à ce camion en panne en province de Luxembourg sur le 411 venant de Bruxelles. Il se trouve autour de Oudemont en bande de droite, kilomètre 160.8. C'est en direction du Grand-Duché. Sur le 19 entre Bruxelles et Valenciennes, ça ralentit à hauteur de la zone de travaux de Nimy-Mézières. Comptez perdre une quinzaine de minutes. Ça ralentit en amont depuis Ville-sur-Aisne. C'est en direction de la France, évidemment. Sur le ring de Bruxelles, on survole les retards les plus conséquents. Un retard très conséquent, même entre au titre et Grand Bigard, comptez pratiquement une heure supplémentaire sur votre trajet. Rappelons que vous traversez la zone de chantier à hauteur d'Anderlecht à cet endroit vers Grand Bigard et puis ensuite comptez une trentaine de minutes supplémentaires entre Zaventem et le Carrefour Léonard. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. On va parler de jet ski dans un instant, c'est pause à l'Euro, bah, intéressons-nous à un autre sport et en plus un sport où on est plutôt bon puisque le champion du monde en GP3, en catégorie GP3 de jet assis, il est belge, il s'appelle Claude, il sera l'invité de ce 5 à 7 dans un instant. On va découvrir peut-être cette discipline, je ne sais pas si vous saviez qu'en dehors du jet ski qu'on peut faire en vacances, mais il y a des compétitions et en plus on a l'air plutôt bon là-dedans, on y revient dans quelques minutes. Avant 18h, Michel Polnareff sera comme toute cette semaine dans le 5 à 7, il a accepté de répondre de façon exclusive aux questions de la RTBF, il donne très peu d'interviews et on a la chance qu'il ait accepté pour Vivacité de répondre aux questions. On retrouve Régine Dubois avant 18h et vous gagnerez vos places pour aller le voir en concert. Il fait son retour au Francofolie de Spa, ce sera le 19 juillet prochain. Et puis cette question qui vous concerne, est-ce que vous êtes du genre à laisser des pourboires? On apprend dans la presse aujourd'hui que les Français sont ceux qui laissent le moins de pourboires, mais les Belges ne sont pas dans le classement. Alors on essaie de faire cette étude nous-mêmes cet après-midi grâce à vous. Est-ce que vous êtes du genre à laisser des pourboires? Est-ce que vous recevez des pourboires? Vous me le dites par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Et ce message de Patricia qui dit: lors d'un passage à Paris, nous avons pris un verre et laissé 50 centimes. La serveuse nous les a rendus en disant: je ne prends qu'à partir de 2 euros. Et sinon, elle laisse en fonction du service et de la note. Et chez Carole, comment ça se passe? Carole Anne qui est là, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7, vous êtes de Nimi. Et visiblement, il y a beaucoup de bruit autour de vous, vous êtes sur le bord de la route. Oui, exactement. Alors, on va tenter de vous entendre. Est-ce que vous laissez des pourboires, vous? Oui, bien sûr. Ah, à qui, combien, quand, comment? Bah écoutez, quand je vais au restaurant, la note est... parce qu'on va toujours à plusieurs, si la note est à 142, bah, je mets 150 et je reprends pas... Vous prenez pas la monnaie. Voilà, et alors, bah, bien sûr, au livreur de pizza, forcément. Ah, ça fait toujours plaisir aussi. Parce que bon, il faut leur boulot comme tout le monde, et ça leur fait plaisir d'avoir un pourboire, donc voilà quoi. D'ailleurs, petite pensée pour les livreurs de pizza. Si vous attendez le retour de la monnaie, ils mettent toujours 5 minutes à trouver la monnaie, à trouver le compte juste. Ils attendent le moment où on leur dit, c'est bon, gardez, c'est pour vous. C'est une bonne technique, moi, ça marche. Tout de suite, moi. Ah, moi, je leur dis tout de suite. Ah oui, mais vous pouvez garder la monnaie. Moi, je suis plus sadique. J'attends qu'il ait sorti la monnaie, et après, je dis non, c'est cadeau. Voilà. Comme ça, il a cherché les pièces. Non, je suis pas comme ça, moi. Mais comme ça, on passe un peu plus de temps ensemble, vous voyez. C'est pour la convivialité. Caroline, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Et puis, à très vite. Oui. Au revoir. Vous, est-ce que vous laissez de l'argent quelque part, que ce soit au resto, chez le coiffeur, dans un taxi? Vous me le dites par SMS au 3063. Et à propos de taxi, bonjour, je suis taximan et je peux vous dire que je reçois pas mal de pourboires dans la région de Spa. Mais continuez à me le dire par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous à Tournai ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand-Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité et la Une présente les médiévales de la citadelle de Namur, les 2 et 3 juillet. Vivez le Moyen-Âge. Spectacle féerique, création inédite, artistes de toute l'Europe. www.citadelle.namur.be. Une organisation du comité animation citadelle avec la ville de Namur et le CGT. Dis, je viens de renouveler mon abonnement tech. Moi, j'ai trouvé la solution, je le fais via l'e-shop de chez moi. Trop pratique. Et moi, d'un self. Regarde, il y en a à côté de l'arrêt de bus, c'est super facile. Toi, tu veux toujours avoir le dernier mot. Hein. Avec un self ou l'e-shop, c'est facile de renouveler son abonnement. Si vous avez 65 ans ou plus, c'est seulement 36€ par an. Easy. Simplicité sur toute la ligne. Bonjour, c'est Thomas Schulmalen. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Vous souhaitez avoir du style? Suivre la mode à moindre coût? Sabrina Boutique vous propose une large gamme de prêt-à-porter d'âmes et hommes. Sabrina Boutique, place de l'Hôtel de Ville à Erve. Ouvert du mardi au samedi. Rejoignez-nous sur Facebook. Le commerce autrement. Localisie.com. Localisie.com. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Viva. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Je vais tenter une imitation. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un jet ski. Je ne sais pas si c'est le bruit que fait le jet ski. Je vais poser la question à Claude Van Gansbeek. Il est champion du monde en GP3 de jet assis. Bonsoir Claude. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7. J'étais bon dans l'imitation du jet ski ou pas? Ah, ça peut donner quelque chose de bien, ouais. Ça fait quoi le jet ski? J'ai essayé un petit peu pour te perfectionner, mais il y a moyen de faire quelque chose. Ça fait quoi en vrai le jet ski? Oh là, je suis pas le meilleur imitateur de jet ski en moteur. Mais alors, pas meilleur imitateur, mais en tout cas meilleur coureur, visiblement, puisque depuis ce week-end, vous êtes champion de GP3 jet assis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Ah, donc en fait, le GP3, c'est la catégorie atmosphérique des jet assis. Ouais. On a les moteurs qui n'ont pas de turbo compresseur, comme on pourrait avoir sur une voiture, un TDI par exemple. D'accord. Parce qu'on a des catégories GP2, GP1, des moteurs qui ont un compresseur, qui ont un turbo et qui permettent de développer la machine avec beaucoup plus de chevaux. Donc ça va encore plus vite. 200 chevaux. Ça va encore plus vite. C'est déjà pas mal. On est déjà à une vitesse qui va jusqu'à 108 km/h pour ma part sur le plat. Donc, ah oui. Sur le plat, pourquoi? Parce que ça monte, y a des moments où l'eau monte. Je veux dire le plat parce que ça dépend d'où on navigue. Parce que quand on navigue par exemple le lac de l'Odeur, où c'est mon plan d'entraînement, le lac est quand même assez plat. Donc on ah oui, rapport aux vagues. par rapport aux vagues, parce que là, eh bien, ici, championnat du monde, c'est passé à Denia en Espagne, en Méditerranée, où là, quand le vent se lève, ça se coupe. Ça se coupe beaucoup. Alors, il y a plusieurs disciplines. Il y a le jet assis, il y a le jet à bras. Donc, jet à bras, c'est quoi? On est debout sur le jet, c'est ça? C'est ça. Là, et c'est alors... encore plus physique, parce que les gars sont vraiment assez puissants dans les jambes, puisqu'ils sont tout le temps debout. Les autres sont beaucoup de choc aussi. Moi, je respecte beaucoup la discipline du jet à bras. Je ne suis pas un pro là-dedans, donc j'apprécie. Et c'est quoi? C'est parce que vous êtes fainéant que vous avez choisi le jet assis ou rien à voir? Non, c'est le plaisir de ce que moi j'aime faire. Et puis avant toute chose, nous, ce qu'on fait dans notre discipline, c'est prendre du plaisir. Si on est là juste pour gagner, juste pour faire de la compétition, je crois qu'il faut même pas commencer, parce que il faut d'abord s'amuser dans ce qu'on fait. Alors, vous avez gagné, vous êtes donc champion du monde en GP3 jet assis. Est-ce que les Belges sont bons en jet ski? Est-ce que le drapeau belge est bien représenté dans le monde du jet? Tout à fait. Et surtout que ce week-end, la semaine dernière, on a deux Belges en catégorie GP3, que ce soit jet assis ou jet à bras, qui sont champions du monde. Donc Quinten Bosch, qui est un Ostendais, qui fait du jet ski depuis plus de 10 ans, puisqu'il a déjà 10 coupes de championnat du monde qu'il a gagné aux États-Unis à l'Ekavazu, qui est une autre catégorie, parce qu'il y a plusieurs fédérations en fait dans le jet ski. Donc ça dépend toujours de quelle course on va participer. Et à ce moment-là, ça nous permet de remporter des titres et d'affronter d'autres pilotes aussi d'un peu partout dans le monde. Ici, c'était en Espagne, c'était un championnat du monde organisé par l'UIM Aquabike, ouais. Qui est très très sérieux dans le monde du jet ski, une organisation exceptionnelle. Hein. Franchement, c'est la première fois en 25 ans depuis qu'ils font le championnat du monde qu'ils ouvraient la catégorie au GP2, GP3, puisque d'habitude, c'est uniquement la catégorie mère qui est le GP1, un petit peu comme la Formule 1, on va dire, pour comparer pour ceux qui connaissent mieux. Il y a la Formule 1, la Formule 3000, il y a la Formule électrique aussi. Bon, c'est des choses bien différentes, mais c'est l'antichambre, le GP3, vraiment du professionnalisme dans le GP1, où on nous demande vraiment beaucoup de budget à ce moment-là. J'en suis pas à ce niveau-là, donc on cherche les sponsors pour y arriver, mais c'est pas toujours facile. Justement, parlons un peu budget, parce que là, c'est un championnat du monde dont vous parlez. On a entendu parler des primes pour les joueurs des Diables Rouges, si jamais ils gagnent cet Euro 2016. Est-ce que vous pouvez aussi tout arrêter, acheter une maison et partir en vacances pendant un an, si vous, en étant champion du monde maintenant? Loin de là, parce que c'est vraiment nos petits moyens qui permettent de financer notre passion avant toute chose. Les résultats permettent d'aller un petit peu chercher des sponsors à gauche, à droite, mais bon, on est dans des petites sommes par rapport à ce qu'on a besoin. Et les gens, ça manque de médias qui s'y intéressent. Donc automatiquement, les compagnies qui veulent investir dans un pilote de jet ski n'ont pas assez de retours actuellement médiatiques pour pouvoir investir plus dans ce que nous faisons, même si on a le niveau, même si on est très assidu dans notre sport. Mais on essaye de... C'est surtout via les connaissances qu'on arrive à trouver des sponsors. Vous voilà déjà à l'antenne, Claude, sur Vivacité. Ça coûte cher, donc justement, il faut compter quel budget si on veut se lancer. Par exemple, un auditeur qui écoute là, qui se dit le jet ski, j'en ai déjà fait pendant les vacances, ça m'intéresse. Il faut compter combien pour pouvoir faire du jet ski correctement, comme vous le faites? Quelqu'un qui a déjà son jet ski, parce que souvent quand on achète un jet ski amateur, on va acheter quelque chose un petit peu comme celui que j'ai, mais qui va être plus poussé. Mais on peut commencer en bas de l'échelle, j'ai envie de dire, pour s'améliorer, pour prendre de l'expérience et surtout de la confiance en soi en compétition, en GP3. Moi j'ai commencé il y a 3 ans le jet ski avec un simple jet ski, un Yamaha 1200, 2 temps. J'étais là pour m'amuser, on m'a dit mais viens essayer les courses, parce que j'étais tout le temps à l'odeur en train de m'amuser. On m'a dit viens sur les courses, tu vas voir ce que ça donne, et puis peut-être que ça donnera envie d'évoluer dans ta machine. Donc je pense que pour déjà 4 000-5 000 euros, on peut acheter un bon jet ski, apprendre vraiment avec des pilotes qui sont expérimentés sur les courses, parce que c'est vraiment une bonne ambiance. Il y a une rivalité qui est vraiment pendant la compétition, parce qu'on est là pour gagner, c'est sûr, il y a un podium à faire et puis c'est l'objectif, mais en dehors des courses, on est les premiers à s'entraider, à prêter des pièces, à essayer de si on a un mécano qui s'y connaît mieux que l'autre, et de venir aider quelqu'un qui a un problème. Il y a vraiment d'esprit. Une super bonne ambiance. Oui. Merci beaucoup Claude d'avoir partagé cette ambiance et cette expérience avec nous. Félicitations pour votre titre de champion du monde, et puis vous nous tenez au courant de ce qui se passe, comme ça on vous suit un peu plus sur Vivacité, d'accord? Avec plaisir, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée Claude, à bientôt. Il est 17h44. C'est le 5 à 7 jusqu'à 19h sur Vivacité. C'est le rendez-vous exceptionnel de la semaine. Michel Polnareff a accepté de répondre aux questions de Vivacité. Vos questions, Régine, bonsoir. Bonsoir, Cyril. Vous avez eu cette chance de rencontrer le grand Michel Polnareff qui fera son retour tout bientôt. Et pas très grand, hein, physiquement. Alors, physiquement peut-être, mais il y a un peu d'image autour mais de la oui, personne. Bien sûr, évidemment, pour le reste, vous avez raison. Alors, bientôt sur scène au Francofolie de Spa. Il sera aussi à l'automne chez nous sur scène à Forêt Nationale. Et alors, il y a une question quand même autour de Michel Polnareff, parce qu'on le voit depuis des années. Il a quel âge, Michel ? Il a 71 ans, Michel Polnareff. Oui, il ne le fait pas, j'ai l'impression. Non, il ne les fait pas. Et puis, vous savez, quand on vieillit, parfois, la voix, ça change un peu. Hein, ouais. Vous verrez, Cyril. Peut-être que votre voix va évoluer. Donc, vous avez encore le temps, hein, vous. Mais lui, il a une voix très particulière. Évidemment, c'est important pour un chanteur de garder sa voix. Il y en a quelques-uns qui le font très bien, d'autres où ça passe moins bien. Et visiblement, lui dit que ça va même de mieux en mieux. En tout cas, c'est le discours de Polnareff. J'ai une chance extraordinaire. Je chante mieux actuellement que je chantais en 2007. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un peu illogique, mais c'est quand même le cas. Et je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus décontracté. Mais parce que j'ai une équipe, j'ai une dream team qui est absolument extraordinaire. J'ai les meilleurs musiciens du monde et je veux dire, être entouré par des gens comme ça et on s'entend tellement bien que c'est un tel plaisir que c'est encore une fois un partage avec le public. Mais j'insiste sur la voix, je suis moi-même étonné d'atteindre des aigus que je n'atteignais pas en 2007. Et avant ? Alors, je pense que je chante différemment qu'au début, disons. Je pense que la voix est beaucoup plus forte, je pense qu'elle est beaucoup plus assurée. Ma comparaison est plus facile pour moi de 2007 à nos jours que depuis le début jusqu'à 2007. Là, je ne me rends pas compte. Je pense que j'avais une voix qui était peut-être un petit peu plus fine. Maintenant, elle est plus forte, elle est plus assurée et définitivement meilleure qu'en 2007. La voix de la maturité. Peut-être. Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore vu la nouvelle tournée qui passera chez nous donc le 19 juillet à Spa et le 18 novembre à Forêt Nationale. Mais je peux vous dire qu'en 2007, j'avais vu le spectacle. Et alors, au moment où Michel Polnareff s'assied tout seul au piano et chante, là, je peux vous dire que la voix, c'est, enfin, il y a rien de cassé, quoi. Tout est là. Donc, si c'est encore mieux aujourd'hui, bah, je me réjouis. Et c'est la bonne nouvelle pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est l'occasion d'aller le revoir, du coup, parce que ça va être encore mieux. Paraît-il, hein. Et bah, c'est selon lui, oui. Bah, on verra s'il nous ment ou pas. Il faudra attendre quelques semaines. C'est tout bientôt, là. C'est bientôt. On le verra. Merci, Régine. À demain. Avec plaisir. Je suis un homme. Quoi de plus naturel? Et justement, ce concert qui a lieu tout bientôt, vous allez le vivre ce concert. C'est le 19 juillet, je vous le rappelle, au Francofolie de Spa. Et pour être là-bas, sur place, il faut maintenant m'envoyer un SMS. Vous m'envoyez simplement Michel au 60-03 pour 75 centimes le message. Et dans quelques minutes, je vous appelle peut-être pour vous offrir ces deux places. Alors, choisissez déjà la personne avec qui vous irez voir Michel Polnareff. Il n'est quand même pas souvent en concert chez nous. Dernier concert date de 2007, donc là, faut pas traîner quand même, hein, si vous voulez y aller. Vous pouvez soit réserver vos places, soit les gagner maintenant sur Vivacité. Donc Michel, c'est ce que vous m'envoyez au 60-03 pour 75 centimes, le SMS. Dans un instant, juste après la pause, on s'intéresse à cette réglementation, une taxe sur les sodas. Il y a 6 mois, elle a été mise en place. L'idée était de limiter la consommation de boissons sucrées. Est-ce que ça a marché ou pas? La réponse juste après. Envie de fou rire, où, quand et comme je veux? Nous terminons la semaine presque sérieusement. Laurence Bibot pour le Café Serré. Pour ce grand cactus. RTBF Ovio, l'humour, où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Le monde des arts, je passe là tous les matins pour aller à l'école. C'est pas calme parce que Bruxelles n'est jamais calme, mais c'est apaisant. Le reste de la journée, c'est toujours très chaotique et tout ça. Et ça arrive plus souvent qu'on le croit, et que le ciel soit bleu, rose ou pâle. Et j'aime bien. Et ça, c'est un de mes endroits préférés à Bruxelles. Vivacité, Bruxelles nous rend complices. Vous avez un barbecue, un anniversaire, un mariage peut-être? Eh bien, annulez! Parce que c'est la semaine Quick Deals chez Citroën. Avec des primes de reprise, des options jusqu'à moitié prix et en plus du 24 au 30 juin, une extension de garantie à 4 ans sur nos véhicules de stock. Profitez vite des Quick Deals chez Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite, drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, En vente en pharmacie. Info sur réductin.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent ce jeudi 30 juin un supplément gratuit sur le Tour de France. Plus de 30 pages pour tout savoir sur les équipes, les coureurs, les étapes et les principales difficultés de la Grande Boucle. C'est ce jeudi 30 juin et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans un instant, le cactus de Jérôme de Warzé, vous l'avez peut-être raté ce matin. Bah, séance de rattrapage et vous l'avez aimé ce matin. L'occasion de l'aimer une nouvelle fois. Et puis juste avant, on revient sur cette actu d'il y a 6 mois. Il y a 6 mois, il y a une taxe qui était mise en place sur les boissons sucrées, sur les sodas. Est-ce que cette taxe a eu un impact? Est-ce que l'idée de départ de diminuer la consommation de ces boissons sucrées a fonctionné? On va s'y intéresser avec David Marconi. Vous êtes secrétaire général de la FIEB, l'association sectorielle de l'industrie belge des eaux et boissons rafraîchissantes. Bonsoir David. Bonsoir, c'est bien ça. Bienvenue dans le 5 à 7. Est-ce que cette taxe a eu l'impact voulu, c'est-à-dire diminuer la consommation des boissons sucrées? Ben, il est encore un peu tôt pour donner des chiffres pour cette année, mais on a quand même déjà quelques indications. Et bon, il est vrai que ces indications ne vont pas vraiment dans cette direction. Et c'est un peu ce qu'on avait prédit également, parce que donc, selon nous, une telle taxe qui vise un produit spécifique et un ingrédient spécifique, c'est-à-dire le sucré uniquement dans les boissons sucrées, c'est selon nous pas du tout la bonne méthode pour s'attaquer à la problématique du surpoids, puisque bon, on sait bien que c'est pas un seul produit qui cause la problématique. Et donc spécifiquement pour les boissons rafraîchissantes, le secteur a développé depuis des années quand même toute une série d'alternatives sans sucre. Donc le consommateur qui veut consommer des boissons sans sucre, ben, ça fait des années qu'il peut choisir des boissons light ou zéro où il n'y a pas de sucre du tout. Donc les gens qui boivent un soda sucré, bon ben ils le font parce qu'ils en ont envie. Et donc si on augmente le prix, eh bien ils cherchent des alternatives et c'est ce qu'on constate actuellement. Donc les Belges vont de plus en plus à l'étranger pour acheter leur soda. Oui. D'ailleurs, il y a des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui par le bureau GFK. 7% du volume de boissons rafraîchissantes achetées par les Belges a été acheté à l'étranger. C'est énorme 7%. Est-ce que c'est plus qu'avant ? Ça augmente d'année en année, donc on constate aussi que la quantité achetée en moyenne par personne est en augmentation. C'était en 2012 162 litres, on est déjà à 166 litres. Il y a un Belge sur 5 qui va acheter ses boissons rafraîchissantes à l'étranger, et donc ben, c'est un effet cumulatif aussi. Donc c'est la taxe sur les boissons rafraîchissantes, ouais. C'est la taxe emballage qu'on connaît depuis 2004 et qui n'existe qu'en Belgique. Donc toutes ces taxes sur nos produits font qu'il y a quand même une différence de prix qui peut aller jusqu'à 30 à 40%. Et puis donc un autre élément qui a été introduit avec la taxe sucre, c'est la hausse des accises sur les boissons alcoolisées. Donc ouais. On voit que bon, il y a de plus en plus de motivation pour le consommateur pour prendre sa voiture et pour aller à l'étranger. Et globalement, on constate que l'alimentation en général est moins chère à l'étranger. Et donc, certaines catégories sont beaucoup moins chères que d'autres. Et quand on additionne tout, ben, il y a certaines personnes qui font le calcul et qui constatent que ça vaut quand même la peine d'aller une ou deux fois par mois à l'autre côté de la frontière pour faire remplir son coffre. Ouais. Tout à fait. David, quelle est la solution pour atteindre l'objectif de base qui est de diminuer la consommation de boissons sucrées? On augmente encore les taxes ou qu'est-ce qu'on fait? On supprime les boissons sucrées? C'est quoi votre idée? Si la solution était si simple, je pense que les boissons sucrées auraient été supprimées depuis longtemps, parce que bon, le but, si on supprime les boissons sucrées, bon, ça ne résoudrait rien du tout à la problématique du surpoids. Donc selon nous, il faut un plan global qui regarde la problématique en son ensemble, on parle d'une surconsommation d'énergie, et cette énergie, elle provient de toute une série de produits. Pas et que des boissons. Ça, c'est pas que des boissons, c'est aussi un style de vie. On devient de plus en plus sédentaire, on ne bouge plus. Il est tellement facile de s'alimenter au cours de la journée. Donc c'est en fait un équilibre, ou plutôt un déséquilibre énergétique, et c'est à ça qu'on doit s'atteler, et donc on ne trouvera pas de solution en ne visant qu'une petite catégorie. Donc les boissons sucrées, pour vous indiquer, ça fait environ 8% de l'apport en sucre moyen pour le Belge sur une journée, donc d'accord. Ça fait qu'il y a plus de 90% qui vient d'ailleurs. Il faut regarder vraiment la problématique au du global manière et plus pas large, sur les boissons. Du global, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, David, pour votre avis et pour vos explications. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Pas les mains, à bientôt. Au revoir. Bonsoir. 5 à 7. Marjorie est au téléphone avec moi. Bonsoir, Marjorie. Bonsoir. J'ai l'impression que je parle à une fan de Michel Polnareff. Oui, tout à fait. Enfin, il est tellement rare. Donc voilà, je suis vraiment curieuse effectivement de le voir sur scène. Et en plus à Spa, qui est vraiment un festival et un endroit magnifique. Donc oui, je disais il y a un instant. 19 juillet, au Francophonie de Spa, Michel Polnareff sera sur scène. Et vous y serez vous aussi, puisque vous avez envoyé Michel par SMS au 6003. C'est donc gagné. Vous êtes invité par Vivacité pour ce concert exceptionnel. Ça faisait des années qu'il n'était plus venu. Vous y serez. Vous y allez, vous nous racontez, d'accord, Marjorie? Oui, sans problème, un grand merci. Eh ben de rien, je vous embrasse, bonne soirée à vous. Voici également, tout de suite le cactus de Jérôme de Warzé. Voici le cactus de ce matin, Jérôme. Vous revenez sur le Brexit, intervenant conjointement avec l'élimination de l'Angleterre hier à l'Euro de football. Mais oui, bonjour à toutes et tous. Good morning, everybody. Again. Good morning, everybody. Figurez-vous, Benjamin, n'en apprend-on pas décidément tous les jours. Cela signifie bonjour tout le monde. C'est quand même extraordinaire. Et heureusement que vous êtes là. Mais je vous remercie. Ce matin, un cactus dans le Waterloo qui nous permettra de revenir sur le vote anglais en faveur du Brexit. Je ne ferai ici aucun lien avec le match Angleterre-Islande hier soir. Toutes les vannes sur cette déroute anglaise conjointe au Brexit ont été entérinées avec autant de facilité que la France n'aura pour se glisser en finale de son euro. Car pour arriver en demi-finale de son euro, la France aura rencontré des nations aussi prestigieuses footballistiquement que la Roumanie, l'Albanie, la Suisse, l'Irlande et l'Islande. Par quel stratagème les Bleus vont-ils maintenant réussir à repêcher Saint-Marin pour la demi-finale et le Liechtenstein pour la finale? Mystère et boule de blatter. L'Islande a donc battu l'Angleterre hier soir. Alors dans mon quartier, je ne vous dis pas, des dizaines de Vikings ont tourné toute la nuit avec leurs dracars en soufflant dans leurs cornes de brume, mélangés aux bruyants carillons des glaciers italiens. Je n'ai pas fermé l'œil. Est-ce que nous avons fêté la qualif de la Belgique en klaxonnant jusqu'aux petites heures? Non. Car nous respectons nos adversaires et ces salopards de galeux vont vite s'en rendre compte vendredi soir. L'Islande et l'Angleterre, ces deux îles nordiques qui ont chacune à leur manière fortement influencé l'Europe grâce à deux gros bazars crachant de la fumée, l'Efjavjallajajokul pour l'une et Winston Churchill pour l'autre. Un peu de culture. Quand je pense que sur certaines radios du service public, on nous reproche de ne pas avoir de fond et de nous adresser aux baraques. Mais revenons au Brexit. Les Britanniques ont dit non à l'Europe, ce qui avait de quoi surprendre, le Royaume-Uni bénéficiant déjà d'une place spéciale dans l'Union européenne. Un peu comme être marié, mais n'avoir que les avantages du mariage. Par exemple... Dans la foulée, David Cameron démissionnait de son poste de Premier ministre. Lorsqu'il l'avait proposé le référendum, il s'attendait à ce que la réponse à celui-ci soit oui. C'est comme quand votre épouse vous demande ce que vous pensez de sa nouvelle coiffure. En apparence, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression, mais en réalité, il n'y a qu'une seule et bonne réponse. Hier, tout le monde s'accordait à dire que le Brexit pourrait ne jamais se produire. Le Brexit, un peu à l'image de l'équipe de football anglaise, sur papier, ça envoie du lourd, mais sur le terrain, on ne va jamais bien loin. D'un côté, il y a ceux qui veulent ralentir le mouvement. Oui, on veut bien couper les liens, mais après s'être entretenu avec Bruxelles, ce qui est compréhensible. S'il faut boucher les tunnels, autant s'entretenir avec ceux qui ont le plus d'expertise dans le domaine. On se demande toujours pourquoi on assimile l'Europe à Bruxelles. Bruxelles a décidé ceci, Bruxelles négocie cela. C'est parce que l'Union européenne est précisément comme Bruxelles. Que ce soit pour y entrer ou pour en sortir, il faut d'abord passer par un piétonnier bureaucratique, s'engouffrer dans des tunnels institutionnels et je ne vous parle même pas du ring kafkaïen à traverser. Et d'un autre côté, même Boris Johnson, cet ancien maire de Londres dont la toison blonde évoque Claude François après le choc électrique. Boris Johnson, Boris Johnson qui était pour le Brexit, dit même qu'on n'est pas pressé de le voir arriver. Magnifique pitch pour une comédie romantique à l'anglaise, le journal de Brexit Jones, bien sûr. Alors que faire? Certains suggèrent de refaire un autre référendum. Je suggérerais dès lors d'organiser dans la foulée un second référendum dont la question serait, faut-il prendre en compte les résultats du premier référendum? Alors, bon mardi à tous et bless à lire. C'est comme cela qu'on dit au revoir en islandais. Coup d'œil à la météo tout de suite, et je vous la donnerais bien la météo si je l'avais sous les yeux, mais pour tout vous dire, elle est perdue au milieu de tous les papiers. Ah, ça y est. Est-ce que je vous la donne ou pas? Allez, on y va. Une très faible zone de pluie traversera d'autres pays la nuit prochaine et elle traînera encore temporairement mercredi matin. Il fera par la suite sec et les températures resteront comprises entre 17 et 21 degrés. Pas de grand changement pour la fin de la semaine. Quelques averses restent possibles jeudi sous un ciel toujours assez chargé. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Trouveau, la maison mère des Pages d'Or, les bottins consacrés au commerce et aux entreprises déposent le bilan. Des centaines d'emplois sont concernés. L'Islande, redécouverte pour autre chose que ses volcans. Tout le pays est en liesse après la victoire contre l'Angleterre hier. Et jusqu'à 10% de sa population va en France assister à l'Euro. Dans le journal des sports, on parlera plutôt de nos diables et de la stratégie du coach pour le match contre le Pays de Galles. Le journal sans vivacité avec Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. La société Trouveau qui édite les célèbres pages d'or, les pages jaunes du bottin, a déposé le bilan. 530 emplois au moins sont en jeu sur plusieurs sites. Anina Meus. Les pages d'or existent depuis plus de 40 ans, mais le temps où les célèbres annuaires trônaient dans tous les salons à côté du téléphone fixe est révolu depuis longtemps. Depuis, les pages d'or se sont adaptées à l'ère numérique en lançant un site internet, puis des applications, mais la concurrence était décidément trop rude. Au fil des années, les pages d'or se sont largement endettées et ce matin, Trouveau a finalement déposé son bilan au tribunal de commerce d'Anvers. À Berkem, Gand, Anderlecht et Liège, le personnel est inquiet. 530 personnes sont concernées. Raymond Vredax, délégué CSC à Liège. Ce matin, un conseil d'entreprise extraordinaire a été convoqué dans lequel on a annoncé effectivement la faillite de l'entreprise. Normalement, si on n'a pas de repreneur, c'est les 580 travailleurs qui sont licenciés purement et simplement et qui se retrouvent effectivement au chômage. Donc l'impact social est énorme. Un impact qui sera peut-être évité. Un repreneur s'est présenté. Il s'agit de FCR Media. C'est la filiale d'un groupe estonien actif en Suède, en Irlande et dans les pays baltes notamment. Son offre permettrait, dit la société Trouveau, de sauver 310 emplois sur 530. Sommet européen crucial à Bruxelles, 5 jours après le référendum choc qui a vu 52% des Britanniques voter pour une sortie de l'Union. À son arrivée, le Premier ministre David Cameron a dit espérer qu'elle serait négociée de manière aussi constructive que possible. Le président du Conseil européen a lui indiqué clairement que l'Union était prête à commencer la procédure de divorce dès aujourd'hui. Mais ce ne sera clairement pas le cas, Anne Blanpin. David Cameron a prévenu, il ne fera pas lui-même cette annonce officielle, il la laisse à son successeur qui au mieux sera désigné à la toute fin de l'été. Plusieurs États, Allemagne en tête, reconnaissent qu'il faut laisser un peu de temps au Royaume-Uni pour lancer cette notification. D'autres comme la Belgique ou la France veulent que ça aille vite. François Hollande. L'Europe a fait savoir qu'il fallait le plus rapidement possible que le Royaume-Uni dépose sa notification de manière à ce que nous puissions organiser sereinement les choses dans l'intérêt du Royaume-Uni, sans doute, dans l'intérêt de l'Europe surtout. Pour le bien du Royaume-Uni, sans doute, de l'Union surtout, tout est dit. La France mène le camp de ceux qui ne veulent pas faire de cadeaux à Londres. Pas question de donner l'impression que quitter l'Union européenne n'a pas de prix. David Cameron a évoqué de bonnes relations commerciales, l'accès au marché unique européen. Oui, lui a répondu Angela Merkel, mais pas sans accepter la libre circulation des Européens. Or, c'est précisément contre cette libre circulation que les partisans du départ ont construit leur campagne. Et le nom du successeur de David Cameron sera connu le 9 septembre. Le parti conservateur a repoussé la date d'au moins une semaine. Les candidatures s'ouvriront demain. Après les oiseaux d'Hitchcock, les corbeaux de Sombref. Depuis plus de 6 ans, des centaines de corbeaux empoisonnent la vie d'un quartier du centre de la commune du Namurois. Oui, et ce qui rend fou les riverains, ce sont les bruits et les déjections. Depuis longtemps, ils demandent aux autorités de prendre des mesures. Mais le problème est complexe. Les corbeaux freux sont une espèce protégée. Et le parc où ils ont élu domicile se trouve sur un site de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a sans doute d'autres priorités. Explication reportage Jean-Claude Hénuy. On connaissait les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Avec les corbeaux de Sombref, la fiction devient presque une réalité pour certains riverains. Depuis plus de 6 ans, des centaines de corbeaux cassent les nerfs de nombreux riverains, dont Dominique Gilbert. Ça commence le matin vers 5h45, ça croasse pendant facilement 2 bonnes heures. Puis ils s'en vont durant la journée, ils vont au champ ou dans les cieux à grains chercher leur nourriture. Et puis après ils reviennent en début de soirée vers 19h30, 20h. Et là c'est par nuages, donc c'est assez impressionnant. La colonie grandit, aujourd'hui elle compte plusieurs centaines d'individus. Elles deviennent aussi agressives par rapport aux petits animaux, type musaraigne, rouge-gorge, mésange, les poules ici des riverains. Ça commence tout doucement à nous faire un petit peu peur quand même. En 2010, le département Nature et Forêt est interpellé. Il autorise une dérogation pour détruire des nids, mais la malchance et la complexité du dossier ne permettront finalement jamais de trouver de solution efficace. Philippe Lecomte, bourgmestre de Sombref. Mon souci, c'est d'essayer de trouver une solution en mettant tous les acteurs autour de la table et de voir avec la région Wallonne ce qu'on pourrait même faire au niveau d'une étude sur cette problématique-là. La commune réunira riverains et acteurs concernés à la fin des vacances. Et avant de passer au journal des sports, évoquons la toute grosse surprise de cet Euro 2016, la qualification de l'Islande pour les quarts de finale. L'équipe issue d'un pays de 300 000 habitants a sorti l'Angleterre hier. Et à l'image de leur commentateur sportif devenu star d'Internet, c'est toute la population qui est en liesse. Sur l'île connue pour ses volcans et ses paysages préservés, le ballon rond s'affiche désormais partout. La compagnie aérienne Icelandair a ajouté des vols vers Paris en fin de semaine, car jusqu'à 10% de la population islandaise se déplace en France pour assister aux rencontres. Et on voit une vraie communion entre les joueurs et leurs supporters. Pierre-Yves Meugens a contacté Torfias Tulinius. Il est professeur à l'Université d'Islande à Reykjavik. Les membres de l'équipe ont dit qu'ils se sentaient très, très, très soutenus, aussi bien par les Islandais en Islande que par les Islandais qui ont fait l'effort de se déplacer en France pour assister au match. Et je crois que les supporters islandais n'ont pas été violents, il n'y a pas de hooligans dans le groupe et du coup ils ont aussi un peu conquis le respect des autres spectateurs. Les spectateurs sont aussi soudés que l'équipe islandaise et pour preuve, ils arrivent à chanter, même s'ils sont... ils arrivent à chanter des chansons en gardant le rythme et en restant tout à fait synchronisés, ce qui est un exploit tout à fait remarquable dans de grands stades. Et dimanche, c'est contre les Français que joueront les Islandais. Merci Natacha pour ce journal. Aujourd'hui, dans le 5... Ben c'est très gentil. Est-ce que vous voulez un petit pourboire pour ce journal? Parce qu'on parle de pourboire dans l'émission. Est-ce que vous en laissez, vous, d'habitude? Je vais te payer. Ben attendez, est-ce que vous laissez un pourboire quand vous allez au resto, chez le coiffeur? Ça m'arrive si le serveur est charmant, oui. Mais ça, c'est pas un pourboire, c'est un coup de drague. Bah, attendez. Pas du tout la même chose. Bah, pourquoi pas? Non, mais vous êtes plutôt du genre à en laisser souvent ou est-ce que souvent les serveurs sont mignons ou pas? Mais ça dépend des endroits. À l'heure, ce midi, j'en ai laissé un. C'est vrai? Combien? Ouais. C'était 1 euro. 1 euro de pourboire. C'est pas bien? Sur une note de combien? Ça va, si vous voulez ma pointure. Vous avez mangé quoi? Dites-nous, ça nous intéresse. Mais je vais vous laisser un pourboire pour ce journal aussi. Oui, ben j'attends. Hein. Voilà, si je ne partirai pas. 10 centimes. 10 centimes. C'est tout, c'est ce que vaut mon journal? C'est tout ce que. Non, c'est un pourboire. C'est tout ce que vous êtes déjà mon payé. Journal. C'est en plus. Oh, elle n'est pas difficile non plus. On fait un point sur le RTBF Mobile Info. On vous retrouve. J'espère que lui sera mieux payé que moi. Pierre Collard-Bovy, j'espère que vous aurez plus. Ah, 5 euros pour votre journal. Ah, voilà. On est à 5,10 € pour un journal. Qui dit mieux? David Bertrand, il rajoute quelque chose ou pas? Je n'ai rien sur moi, Voilà. Ah, c'est ce qu'on dit souvent. Sur les routes, comment ça se passe? Bien, toujours pas mal de ralentissements dans les tunnels de la capitale, notamment dans le tunnel Boileau vers Mézières, du tunnel Stéphane au tunnel Leopoldeux vers la Basilique et du tunnel Leopoldeux au tunnel Port de Namur vers le Midi. Un accident implique un camion sur le ring de Bruxelles en extérieur à hauteur de Dilbeek. C'est en deux bandes. La centrale et droite sont neutralisées en direction de Hall. 65 minutes supplémentaires pour faire le trajet au titre Grand Bigard en circulation intérieure sur le ring, vraisemblablement dû aux travaux à Forêt. Intérieur Zaventem Carrefour-Léonard, plus 26 minutes, plus 17 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 16 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard et plus 10 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. C'est un léger mieux par rapport à tout à l'heure. Et puis sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, là, ce sont des travaux qui vous ralentissent à hauteur de Nîmes-Mézières. Vous perdez un gros quart d'heure en direction de Valenciennes. Un camion est en panne sur le 411 Bruxelles-Luxembourg à hauteur de Houdemont. La bande droite est encombrée en direction de Luxembourg. Soyez simplement attentifs. Et puis un objet encombrant une pelle pourrait vous gêner dans l'échangeur de Dossous et plus précisément dans la bretelle reliant le 411 venant de Bruxelles à le 42 en direction de Liège. Et notez également ces travaux qui vous ralentissent fortement sur le 403 Bruges Tournai. De la partie de Veldegem, vous perdez 25 minutes en direction de Tournai. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Essuie de sport? Ah, ou essuie de bain? Ah, lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. Vivacité, le journal des sports. C'est avec David Bertrand qui n'a donc rien pour laisser un pourboire à cette équipe. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, j'ai même oublié de vous donner les feuilles. C'est vrai, si je suis radin aujourd'hui. Ah ben, on n'a plus de budget dans le service public. David, avant de prendre des nouvelles des Diables, l'actualité en direct nous emmène sur le gazon londonien. Oui évidemment, avec Wimbledon et une seule Belge sur les cours aujourd'hui, Alison Van Uytvanck qui a été éliminée au premier tour il y a quelques instants. Christine Anquet, bonsoir, on vous rejoint en direct et on détaille avec vous cette défaite. Oui, bonsoir David. Alison Van Uytvanck, elle a perdu 6-3, 6-2 face à la Britannique Tara Moore qui est beaucoup moins bien classée qu'elle. Il va donc encore falloir travailler pour revenir à son meilleur niveau après 3 mois d'absence à cause d'une blessure au pied. Ce n'était pas assez tranchant aujourd'hui sur les points les plus importants, notamment avec un taux de réussite égal à 0 sur les balles de break par exemple. Et donc maintenant, on peut dresser le bilan belge du premier tour puisqu'il est fini le premier tour des Belges. 2 victoires sur 5. Ceux qui continuent sont David Goffin et Kirsten Flipkens qui doivent jouer leur deuxième tour demain. A noter que pour l'instant, on ne joue nulle part. Les cours sont bâchés. La pluie est arrivée juste à la fin du match d'Alison Van Uytvanck, juste après, ce qui lui a permis de quand même terminer. Avant la pluie, quelques stars du circuit avaient bien sûr trouvé le temps de se qualifier, vite et bien chaque fois. C'est le cas notamment d'Andy Murray et de Serena Williams. Et c'est le cas aussi de Stan Wawrinka, même s'il a perdu un set. Merci beaucoup Christine. Christine Anquet en direct de Londres. Une info tennis aussi pour vous signaler que Maria Sharapova va reprendre le chemin de l'école. Elle va profiter de ses 2 années de suspension pour dopage dont elle a par ailleurs fait appel pour étudier l'économie à Harvard, de la célèbre université américaine. L'histoire ne dit pas si c'est pour apprendre à mieux gérer sa fortune personnelle. Les Diables Rouges se sont entraînés ce matin, 3 jours de leur quart de finale contre le Pays de Galles. Ouais, Thomas Vermaelen qui est suspendu, vous le savez, pour le match de vendredi, et Eden Hazard ont été laissés au repos. Le capitaine souffre d'une contracture à la cuisse. Il ne devrait être de retour à l'entraînement que jeudi, veille du match. Mais le sélectionneur s'est toutefois voulu rassurant. Il sera à 100% vendredi, jure-t-il. Marc Wilmots qui s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui et qui a une nouvelle fois défendu le choix de son attaquant, parfois controversé, Romelu Lukaku. En ce qui concerne maintenant de l'abattage physique, de fatiguer les 2 défenseurs, il va dans les côtés. Si vous devez jouer contre lui, vous n'allez pas rigoler, je vous le dis. Il bouge, il est présent, il remet, il a une occasion, il peut la mettre. Voilà, il est disponible pour l'équipe. Je pense que sur tous les dégagements de Thibaut, il les touche toutes. Vous l'avez déjà vu avant, le toucher ? Touchez pas. C'est une grande différence. Je trouve qu'il a bien évolué. Maintenant, il y a d'autres profils qui sont là. Je pense que Michy est un joueur de 16 mètres. Christian est vraiment le target man et Divock c'est dans la profondeur aussi en dribble. Voilà, j'ai des profils différents que j'utilise au moment. Je pense qu'ils ont tous les 4 déjà participé. Je pense que tu as vu ce qui compte. Ce sont les joueurs qui poussent les autres à être meilleurs. Autre membre de l'équipe a rencontré la presse aujourd'hui, Yannick Carrasco, buteur contre la Hongrie. Emmanuel Just lui a demandé si la solution contre le Pays de Galles, ce sera de priver Gareth Bale de ballon. Je peux pas trop répondre là-dessus parce que c'est pas moi qui fais la tactique, c'est le coach qui doit dire à l'équipe ce qu'il faut faire pour contrer le Pays de Galles. C'est sûr que c'est la star de l'équipe du Pays de Galles. Maintenant, voilà, comme j'ai déjà dit, c'est le coach qui doit faire la tactique pour pouvoir contrer cette équipe-là. C'est la star, mais à la différence de Zlatan, il est très bien dans cet Euro. Il cartonne, il marque, tous ses tirs sont cadrés ou presque, donc ce sera vraiment plus que jamais le danger. Ouais, il a prouvé que... qu'il a déjà su marquer pas mal de buts à cet Euro. Maintenant, on a une bonne défense aussi, donc ça nous défendra en bloc et essayer de ne pas laisser d'occasion. Interview de Manuel Jousse et de Thierry Luters, les Diables qui ne s'entraîneront pas à Lille jeudi, veille du match. La pelouse doit être préservée. Ils s'entraîneront donc à Bordeaux en matinée avant de s'envoler pour le Nord après-midi et donc ce match vendredi. Un match auquel assistera le roi Philippe. Il était déjà au match contre l'Irlande et il sera présent donc dans les travées du stade Lillois. À l'étranger, une confirmation, l'arrivée de Unai Emery au PSG. La rumeur était dans l'air depuis plusieurs jours. Elle a été confirmée par le club via son compte Twitter cet après-midi. Emery a notamment remporté 3 fois l'Europa League avec Séville, dont cette saison. Il remplace donc Laurent Blanc sur le banc parisien. Et puis en golf, Bertrand, les forfaits s'enchaînent avant le tournoi olympique de Rio cet été. Oui, c'est David, mais c'est pas grave. C'est cette fois Jason Day, le numéro 1 mondial actuel, qui renonce. Il invoque les risques liés au virus Zika. Un nom qui s'ajoute à la longue liste de golf dont Rory McIlroy, qui ont déjà renoncé au jeu par crainte du virus. Sans mauvais jeu de mots, une véritable épidémie. Alors pourquoi le milieu du golf a-t-il peur? Est-ce le cas côté belge également? Puisqu'on le sait, 3 golfeurs iront à Rio, Chloé Lurquin, Nicolas Colsarts et Thomas Peters. Éric Lesbois a posé la question à Vincent Boromans, le manager de Nicolas Colsarts. Les golfeurs qui sont en train de fonder une famille et qui veulent éviter le risque ou les conséquences de Zika, on peut tous comprendre qu'ils hésitent. On a annulé des compétitions en Chine quand il y avait d'autres problèmes. Quand il y a des épidémies, on annule. Ici, on comprend que c'est difficile d'annuler, mais peut-être la différence qu'il y a avec d'autres sports, c'est que nous avons le majeur pendant l'année. En athlétisme, si c'est la seule grande compétition dans l'année, c'est différent de devoir y renoncer. C'est une observation que je fais. Je ne sais pas si elle est dans la tête de Jason Day ou de McIlroy. C'est certainement, c'est qu'ils sont tous les deux en train de fonder une famille. C'est ça qui les pousse à renoncer à aller à Rio. Et Nicolas Colsarts est aussi inquiet? Et Nicolas Colsarts, c'est bien entendu inquiet. Nous avons les consignes du comité olympique. On va observer toutes ces consignes à la lettre. Mais pour Nicolas, il a une telle passion pour les Jeux olympiques. Vous savez que chez lui, c'est inscrit dans la famille. C'est un peu dans ses gènes. Rien ne l'empêchera d'aller à Rio. Une interview d'Éric Lesbois. J'ajoute qu'en plus, ces forfaits en cascade ouvrent évidemment des possibilités de résultats pour les outsiders comme Nicolas Colsarts. Je vous laisse la parole, Cyril. Je sais que vous avez réglé vos comptes, là, parce que je ne vous ai pas donné de feuille pour votre journal. Tout de suite, vous m'appelez par mon nom. Ben oui, je suis désolé, mais vous travaillez depuis longtemps ici. J'ai commencé. On va lundi, faire les présentations. Lundi, enchanté. Enchanté. Moi, c'est Cyril. David. David, c'est le prénom. Je le dis à chaque fois que je me présente depuis 35 ans. Je dis bonjour, je m'appelle David Bertrand. David, c'est le prénom. C'est dingue, hein, cette histoire. C'est pas grave, ça me gêne pas. Mais en même temps, Bertrand, ça vous va bien aussi. Bah ouais. Ouais. Si vous aviez pu choisir votre prénom, vous auriez pris quoi? Pas David. Pas David. Je suis pas fan. Bertrand. Je préfère Bertrand à la limite. Et un autre prénom, si vous pouviez choisir n'importe quoi. J'aime bien William. William. Et bien dorénavant, je vous appellerai William. D'accord. À l'antenne. Merci William. Maître William alors. Maître William. Ouais. Merci Maître William pour ce journal c'est des pour sports. C'est pour la sauce, William. Ah, c'est pour ça, d'accord. Mais je note, je vous appellerai comme ça. À très bientôt, Maître William. Il est 18h16. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. On va parler de festival dans un instant, non seulement parce que j'ai des entrées à vous offrir, des passes, 3 jours carrément pour aller assister au festival Couleur Café à Bruxelles, mais aussi parce que les boissons dans les festivals sont dans l'actualité aujourd'hui avec une proposition. S'il n'y a pas d'eau gratuite dans les festivals, il n'y aura pas de bar à bière non plus. C'est une proposition qui sort aujourd'hui. Est-ce que les festivals proposent déjà de l'eau aux festivaliers? Est-ce que le fait de ne pas venir avec une bouteille est une vraie contrainte dans les festivals, puisqu'il y a cette réglementation qui dit pour la sécurité, on ne vient pas avec une bouteille au festival. Oui, mais sur place, on est obligé d'acheter ou de l'eau ou de la bière. Et les politiques aimeraient que ce soit plutôt de l'eau et qu'elle soit plutôt offerte. On verra ça dans un instant, dans ce 5 à 7 sur Vivacité. On va s'intéresser aussi à la récolte de vêtements. 27 000 tonnes de vêtements ont été récoltées à Bruxelles et en Wallonie. On y revient tout à l'heure dans ce 5 à 7 sur Vivacité. Et puis, on parle de pourboire aussi aujourd'hui. Les Français sont ceux qui donnent le moins de pourboire à travers le monde quand ils sont en vacances. Et les Belges, là-dedans, ils se situent où? Vous me le dites par SMS au 3063. Est-ce que vous êtes du genre à donner des pourboires ou pas? On fait le point sur tous vos messages et puis sur la page Facebook aussi, 5 à 7, Vivacité RTBF. Est-ce que votre métier fait que vous recevez des pourboires aussi? Mickaël, c'est le cas, il est à Spa. Bonsoir, Mickaël. Mickaël, est-ce que vous êtes là? Mickaël, oui, ah, je suis là. Mickaël, je suis là, Cyril. J'ai eu peur qu'on vous ait perdu. Mickaël, tout va bien, Spa? La journée a été bonne? Très bien. Oui. Ça va être On n'a pas à se plaindre du tout. Ça va être agité chez vous bientôt avec les Franco, hein? Bah oui, justement, et en parlant de pourboire, je sais que Vivacité sera présent, donc si vous voulez me laisser un pourboire avec un ou deux passes pour le festival, ce serait gentil. Ah bah on verra, je préviens l'équipe qui est sur place que Mickaël Aspa demande un pourboire. Vous êtes chauffeur de taxi, donc l'équipe fera peut-être appel à vous d'ailleurs. Certainement, il y a des chances, puisqu'on travaille aussi avec Belcomania, donc oui, il y a de fortes chances. Vous en recevez-vous des pourboires en tant que taximan? Honnêtement, oui. Je veux dire, allez, sur 10 clients, j'ai peut-être un seul qui me laissera pas de pourboire. D'accord, et ça va de quel montant à quel montant? Oh, ça varie. Le minimum, je veux dire, c'est 1-2 euros. Et voilà, quoi. Ici, dernièrement, j'ai une dame qui m'a laissé 20 euros. Ça dépend un petit peu situations, en fait. Ouais. Vous avez envoyé un message tout à l'heure, on les a encore tantôt sur une course de 6 euros, on m'en a donné 10. Ouais, voilà, c'est souvent des personnes, je veux dire, âgées qui ont pas facile de se déplacer. Et je veux dire, quelque part, on est devenu un service public, quoi. Donc, et forcément, ils sont reconnaissants puisqu'on sort de nos véhicules, on les aide à rentrer dans la voiture, on charge leurs courses. Donc, voilà. Quand vous recevez 10 euros de pourboire sur une course à 6 euros, est-ce que vous faites une réduction pour le client suivant, du coup? Ah non. Ah non, d'accord. Non. Je vous souhaite... pas des badges que je vais recevoir pour les Franco. Je vous repasse Marion au standard et vous négociez avec elle. C'est elle qui a tous les passes de toute l'équipe pour les Francofolies. Donc, Ça va, je peux juste passer un petit message à mes collègues de Central Tax pour leur dire que moi j'ai fini journée et que je leur souhaite une bonne soirée à tous. Et ben voilà, le message est passé. Je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, Mickaël. Il est 18h20. Justement, on rentre dans cette période de festival et aujourd'hui, dans la presse, il y a une proposition qui dit attention, sur les festivals, on voudrait qu'il y ait des points d'eau qui correspondent à des normes sanitaires précises, que ce soit pas n'importe où, n'importe comment, et qu'on puisse juste boire un robinet, ce qui ne correspond pas vraiment à des normes d'hygiène. L'idée, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans un festival avec une bouteille d'eau pour des raisons de sécurité, puisqu'une bouteille lancée pourrait être un projectile et pourrait donc blesser des spectateurs ou des artistes, mais en échange, il faut payer toute l'eau qui est sur place, et on sait qu'il y a une consommation d'alcool souvent forte sur les festivals, et donc il y a cette proposition de réglementation pour imposer la mise à disposition d'eau gratuite dans les festivals. On a pris des renseignements cet après-midi, et quand on appelle différents organisateurs, on dit oui, il y a déjà de l'eau sur nos festivals. Par exemple, à Couleur Café qui se déroule à Bruxelles à partir de vendredi, d'ailleurs j'ai des places à vous offrir dans un instant, c'est déjà le cas, il y a déjà de l'eau. On va en parler avec l'organisateur du festival, c'est Michel Durieux qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors vous confirmez, il y a déjà de l'eau qui est disponible gratuitement pour les festivaliers? Alors effectivement, il y a déjà de l'eau disponible pour les festivaliers. On a connu, nous, une expérience liée à l'eau de manière assez rocambolesque l'année passée, hein, parce qu'il y avait vraiment des canicules énormes et annoncées. Donc on en est loin cette année. On en est loin cette année, avec un peu de pluie et des températures plus acceptables, c'est vrai. Donc on n'est pas dans le plan canicule, mais on a une expérience avec l'eau pour pouvoir réagir très rapidement si c'était le cas. Alors nous, en termes d'eau gratuite, oui, elle est disponible sur le festival dans des endroits précis, sanitaires notamment aussi, bien marqués avec eau gratuite. Ce qui est notre particularité aussi, c'est qu'on vend l'eau minérale dans tous nos bars, mais un ticket boisson, ce qui veut dire 1,25, donc c'est la moitié du prix que beaucoup d'autres festivals font. Et plus ou moins cher que la bière alors? C'est beaucoup moins cher, c'est la moitié prix. D'accord. Une bière c'est 2 tickets, donc une eau c'est 1,25€. Donc voilà, donc c'est déjà un effort que l'on fait aussi à ce niveau-là. Là, tout en considérant que les personnes qui ne veulent pas acheter de bouteilles d'eau vont dans des endroits où l'eau est tout à fait gratuite, qu'on peut remplir avec des bouteilles ou des gourdes que les personnes peuvent amener, évidemment. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est que nos fouilles à l'entrée, évidemment, sont là aussi pour la sécurité. Hein. Ce n'est pas le sujet de la question de ce soir. Mais effectivement, mais c'est bien de dire que la sécurité est là. Oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai que des grandes bouteilles d'eau peuvent être remplies de gravier, d'eau aussi, évidemment. Et pouvoir être lancé comme un projectile. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est attentif à ça. Maintenant, les petites bouteilles d'eau sont tolérées à l'entrée du festival et on abreuve les festivaliers avec de l'eau qui est gratuite à certains endroits sur le festival. Ici, la proposition du PS est de mettre à disposition donc, de l'eau dans des conditions sanitaires strictes. Est-ce que quand on va dans votre festival, c'est le cas? C'est déjà des conditions sanitaires strictes? Alors, il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'ils appellent des conditions sanitaires strictes. Je pense pense qu'à ce moment-là, si le projet de loi passe, il y aura tout un cahier de charges très très précis, avec sans doute des robinets qui sont éloignés, sans doute des robinets qui sont reliés à des fontaines. Ce qui est déjà en quelque sorte le cas chez nous, ce sont des robinets qui sont en dehors des zones sanitaires, dans la zone sanitaire, mais pas collés aux zones sanitaires proprement dites. Ce sont donc toute une série de robinets qui sont assez éloignés. Donc oui, certaines conditions sanitaires sont déjà respectées chez nous, déjà depuis quelques années, ceci dit. Merci en tout cas déjà d'avoir répondu, Michel, puisque d'autres festivals, et Tomorrowland pour ne pas les citer, nous ont dit, hors antenne, nous avons effectivement des points d'eau, mais chut, ne le dites pas parce qu'on ne veut pas que ça se sache et que les festivaliers viennent boire de l'eau gratuitement. Merci donc vous pour votre franchise. Et ce festival qui démarre ce week-end, je vais vous offrir des passes d'ailleurs pour y aller, enfin pas à vous Michel, mais aux auditeurs, parce que forcément vous, je pense que vous y serez. Il y aura quoi, il y a qui est-ce qu'on va applaudir ce week-end? On va applaudir des belles têtes d'affiche, notamment Chic, qui est accompagné par Nile Rodgers. Et puis on a Selassou qui revient en force sur notre festival aussi. Ça, je parle du vendredi. On a aussi Magic System, très connu, hein, évidemment, ouais. dans la musique. On entend toutes ces musiques maintenant. On a Brigitte, les Brigitte qui sont là aussi le vendredi. Alors on passe au samedi avec Arnaud, qui est plus venu depuis 7 ans chez nous. Ah, Yusundur, un grand retour aussi de Yusundur. Et puis Julian Marley, qui est le cinquième fils que nous recevons de fameux Bob, bien sûr, le cinquième fils que nous recevons de cette famille. Il y a Ginzu aussi, qui sont dans le silence depuis 5 ans, qu'on attend avec une énorme impatience. De la Soul, Goran Bregovic, hein, la musique balkane qu'on attend aussi depuis longtemps. Et puis on passe au dimanche avec Neka, Soprano, et puis d'autres grands artistes, comme notamment aussi Kassav. Grosse ambiance. Oui, grosse ambiance, en tout cas prévue pour. Et puis il ne va pas faire si mauvais que ça, apparemment. Hein. Et ça s'annonce plutôt pas mal pour le week-end. Oui, désagréable. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup, Michel, d'être passé ce soir dans le 5 à 7. On se dit à ce week-end parce que justement, là, je vais offrir des entrées pour pouvoir venir vous retrouver, Michel, et alors tous les artistes. Mais est-ce que si les auditeurs disent c'est Michel qui m'invite, ils peuvent avoir un petit verre d'eau alors? Un petit verre d'eau particulièrement servi. On fait ça. Sur un plateau. Super. Parfait. Merci Michel, je vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Merci, au revoir. Au revoir. Alors justement, ces places pour aller voir le festival Couleur Café, elles vont être à gagner maintenant. On va refaire un petit tour de qui sera sur scène. On a parlé de Selassie. Oh, ça va être bon ça. On le disait, ça va bouger aussi avec les Magic System, donc. Si vous gagnez vos places pour aller au festival Couleur Café, vous pourrez aussi applaudir Soprano. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Alors, qui va repartir avec ses passes pour aller au festival Couleur Café? Plusieurs d'entre vous, puisque j'ai eu 5 fois de passes pour les 3 jours à vous offrir. C'est maintenant que ça se passe par SMS. Vous m'envoyez couleur par SMS au 6003, couleur simplement, vous ajoutez vos coordonnées. Et puis peut-être que tout à l'heure, vous serez rappelé pour repartir avec vos passes, déjà pour ce week-end. Donc si vous avez le week-end de dispo, vous aimez la musique, vous avez envie de vous déchaîner au festival Couleur Café, couleur par SMS maintenant au 6003. Dans un instant, juste après la pause, les titres de l'actu. Et puis on s'intéressera à ce qu'on va manger. C'est le Nico Food qui arrive avec en discothèque. Crème solaire? Check. Enfant? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens comme un down. C'est magique, je sens déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Krefel et découvrez la sensation TomTom avec l'infotrafic en temps réel. En été, Michel, ornithologue amateur... Oh, le joli Philoscopus colibita. ...apprend les chants d'oiseaux. Et Michel oublie de jouer au loto. Quoi? Ah non! Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Camille, vous cherchez quelque chose ? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Une info incroyable, la DH double la durée de votre abonnement. Abonnez-vous maintenant 6 mois et recevez 6 mois entièrement gratuits. Oui, vous avez bien entendu, nous doublons la durée. Mais vite, vous avez 48 heures seulement. Offre valable uniquement ces 27 et 28 juin. Prêt à en profiter ? Rendez-vous sur dh.be. Offre soumise à condition. Découvrez l'exposition de Salvador Dali. La plus grande expo jamais réalisée sur ma vie et mon œuvre fantasmagorique à découvrir dès le 27 février à la magnifique gare de Guimain à Liège. Avec le soutien de Vivacité, La 3, Le Vif, Knack, La Meuse, vous, BMW et Télépro. Info, expodali.be. Un précieux conseil pour gagner de l'argent ? Vendez vos bijoux en or chez Cash Converters. Ils achètent tous vos objets en or, quel que soit leur état. Chez Cash Converters, votre or vaut de l'argent, beaucoup d'argent. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. CashConverters.be. Bon, alors, vous partez en vacances le 1er ? Ah non, non, non, pas le 1er juillet. Ah bon ? Mais c'est normal, je vais faire les soldes à Belle-Île. Le vendredi 1er juillet, les soldes commencent à Belle-Île avec une nocturne jusque 22h. Et dimanche 3 juillet, ouverture exceptionnelle de 10 à 19h. L'enseignement de la province de Liège propose des stages de découverte des métiers techniques pour les enfants de 10 à 14 ans, du 22 au 26 août. Ces stages gratuits se dérouleront dans nos écoles de Houy, Warem, Serein, Flémal, Liège, Herstal et Verviers. Réservation obligatoire, nombre de places limitées. Plus d'infos sur mafuturecole.be/stage. Vivacité présente l'année du patrimoine. Participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com, une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Voici les titres de l'actualité avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les bonnes vieilles pages d'or n'ont plus la cote. Près de 600 personnes risquent de perdre leur emploi. Le groupe Trouveau, éditeur des annuaires téléphoniques, dépose le bilan. Le personnel a été informé ce matin. Toutefois, on apprend qu'une offre de reprise aurait été déposée. Elle est pour le moment analysée par le curateur. Cette offre de FCR Media Belgium permettrait de sauver 310 des 580 emplois menacés. Coupable, le jury de la cour d'assises de Luxembourg a reconnu la mère de Célia et son ancien compagnon coupables de meurtre sur leur fillette de 20 mois. Célia décédée le 28 octobre 2013 à Messancy des suites de violences dans la sphère familiale. Le débat sur la peine aura lieu demain. Engager sans tarder la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est la volonté des dirigeants de l'Union réunis en sommet à Bruxelles. Ils pressent les Britanniques d'enclencher la procédure de divorce sans perdre de temps, 5 jours après le Brexit. À son arrivée au sommet, le Premier ministre britannique David Cameron a pourtant réaffirmé qu'il laisserait le soin à son successeur de démarrer cette procédure. Le délai imposé par Cameron inquiète des pays comme la France et les institutions européennes qui craignent la prolongation de la période d'incertitude que nous connaissons pour l'instant. Et puis Cyril, le tennis et un mot de Wimbledon, c'est déjà terminé pour Alison Van Uytvanck. Éliminée au premier tour par la Britannique Moore, 6-3-6-2. Sur les 5 Belges engagés en simple, il n'y en a donc plus que 2, Goffin et Flipkens pour le deuxième tour. On va voir le côté positif des choses, elle pourra suivre tranquillement le match de vendredi pour les Diables. Et peut-être aller à Lille, qui sait ? Ah ben peut-être. Lille en noir, jaune, rouge. Elle doit avoir des contacts. C'est la devise. Vous irez, vous ? Ah non, moi je travaille, je suis ici, je serai ici. Ouais, ben... On peut pas tout faire en même temps, on n'est pas Saint-Nicolas non plus. Effectivement. Merci David. Je serai avec vous. Bah, c'est très gentil. On vous retrouve tout à l'heure à 19h. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Comment ça se passe ? Salut, il a bien David Riffon, une grosse barbe. Hein. Ah ben, bah, on va lui proposer. Vous essayez bon. De porter la barbe un jour, David ? La barbe à papa ? Ah bah, si vous voulez, une barbe à papa, ça marche. Mais je vois qu'avec ça, on vous lèche dans la rue. Alors, on ralentit dans la plupart des tunnels de la capitale pour le moment encore. On signale toujours deux accidents sur le ring de Bruxelles. Le premier en intérieur à hauteur de l'entrée du tunnel de Tervuren avec une bande de gauche neutralisée vers Waterloo. Le deuxième implique un camion sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure cette fois à hauteur de Dilbeek. Deux voies sont neutralisées en direction de Hall. Ça se tasse sur certains tronçons mais pas sur d'autres. Par exemple, 58 minutes quand même encore supplémentaires pour l'intérieur au titre Grand Bigard. 35 minutes en plus pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Plus 24 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Et plus 18 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au haut titre. Des travaux vous ralentissent sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Nîmes-Mézières. Toujours un gros quart d'heure. Non, plus que une petite dizaine de minutes maintenant perdues en direction de la France. Un camion est en panne sur le 411 Bruxelles-Luxembourg à hauteur de Houdemont. Mais il obstrue la banque de droite en direction de Luxembourg. Et puis les travaux toujours sur le 403 Bruges. Tournée à partir de Veldegem. Dans les travaux, vous ralentissez et vous perdez 25 minutes en direction de Tournée. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dico Food du 5 à 7. Tous les jours, une lettre, une recette dans ce 5 à 7, c'est le Dico Food avec Candice Cotter. Bonjour Candice. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre S. On va faire du saumon. Le saumon, on n'en fait pas souvent, on n'en fait pas assez, soyons clairs. Et c'est un poisson gras, on est dans un plein d'oméga 3, on en a tous besoin et ça vous permet d'avoir quelque chose qui passe assez bien, même pour ceux qui n'aiment pas le poisson, même pour les enfants. Le saumon reste vraiment le poisson assez facile à travailler. Et ici, vous allez voir qu'on va le travailler de sorte qu'il soit vraiment très agréable et très goûteux. On va profiter de son moelleux, mais on va lui ajouter une densité au niveau de sa saveur. Et ça, c'est aussi un peu nécessaire sur du saumon. Donc un saumon qu'on va faire en croûte de poivre blanc et de persil. Alors, vous imaginez poivre blanc, on se dit, c'est piquant, ça n'ira pas pour les enfants. Je vous assure que si. On est dans cet esprit poisson croûte de sel, mais ici, la croûte va être persil poivré et ça restera très doux. Et on sert ça avec une petite salade de la mer à la menthe, plutôt pour les adultes, mais ça peut vraiment fonctionner et c'est super élégant. Donc, vous commencez par prendre 4 darnes de saumon. Il vous faut 10 grains de poivre, du persil, j'en prends une botte, du sel fin, un petit peu d'huile d'olive. Et alors pour la salade de la mer, soit vous prenez une salicorne préparée, soit vous prenez des algues. On trouve maintenant du wakame, donc c'est de l'algue en magasin bio qui est simplement à réhydrater. C'est pas trop iodé, salé en bouche, c'est très très polyvalent, c'est plein de protéines et plein de bonnes choses, plein de nutriments. On mélange ça à la botte de menthe, vous allez avoir quelque chose de parfait sans effort. Un mortier, vous pilez les grains de poivre et le sel avec le persil et vous allongez à l'huile d'olive. Donc ça va vous faire une sorte de pesto très fluide. Vous frottez les darnes avec le mélange et vous les placez sur une plaque de four recouverte de sulfu. Vous arrosez d'un filet d'huile d'olive et vous laissez cuire dans ce four que vous avez préchauffé à 190 degrés. Vous laissez cuire 15 minutes. Et vous mélangez pendant ce temps-là la petite salade de la mer choisie avec de l'amande, sel-poivre, gros sel-poivre sur cette salade-là. Et vous servez avec le poisson bien chaud. En gros, 20 minutes montre en main, tout est fait et vous avez un repas nickel. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Évidemment, la recette, on la retrouve sur vivacité.be, nouveau Dico Food. Demain, dans le 5 à 7, Frédéric est avec moi au téléphone. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Frédéric, vous avez envie d'aller à un festival, vous, ce week-end, je le sens. Ouais. Et vous êtes fan de qui sera présent à Couleur Café à Bruxelles, à Tour et Taxi? Soprano, je suis pas difficile, je participe déjà au festival de Dour. Ouais. Parce que j'habite Dour, quoi. Bah alors c'est pas mal, effectivement, pour y aller, c'est à côté. Ah ouais, déjà, j'ai déjà mes entrées, donc ça fait déjà pris, quoi. Ah bah voilà, il vous manquait le pass pour Couleur Café, c'est gagné, vous repartez avec vos deux passes, vos invitations pour aller ce week-end grâce à Vivacité. Ah, c'est bien gentil, super, franchement, c'est génial, quoi. Ah bah je vous souhaite une excellente soirée, amusez-vous bien, vous allez y aller avec qui? Avec ma copine. Ah bah évidemment, hein. Quelle question. Frédéric, ouais. Bonne soirée, bon festival ce week-end, à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Et il me reste encore des passes à vous offrir. Donc si vous voulez vous inscrire, vous envoyez couleur par SMS au 60 03. À 18h36, on va s'intéresser à une info aujourd'hui dans l'actu qui concerne les vêtements qui ont été récoltés à Bruxelles et en Wallonie. 27 000 tonnes de vêtements ont été récoltées. C'est plutôt pas mal. On va en parler avec William Waters. Vous êtes président de l'ASBL Terre. Bonsoir William. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7 sur Vivacité. 27 000 tonnes, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, oui. C'est assez... on peut faire mieux. Il y a encore On peut faire mieux, oui, absolument. Alors, 27 000 tonnes, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Vous le dites, on peut faire mieux. Mais alors, il y a un petit bémol avec cette actu, c'est que il y a des bulles qui sont pas respectées. Alors, sur plusieurs points, et c'est important de dire le message ce soir, on reviendra sur ce qui est fait des 27 000 tonnes de vêtements dans un instant. Mais il y a des points de collecte dans lesquels les gens mettent des choses qui n'ont rien à voir. Et puis, il y a aussi des points de collecte qui appartiennent à on ne sait pas qui, en fait. Oui, donc il y a une série d'opérateurs illégaux et si la population veut faire la distinction entre les opérateurs illégaux, il suffit qu'ils regardent s'il y a le logo solidaire sur la bulle à textile. Ils auront la certitude qu'il s'agit d'un opérateur qui respecte toutes les règles en vigueur. D'accord, donc on ne met pas dans n'importe quelle bulle. Et alors on ne met pas n'importe quoi dans les points de collecte ? On ne met pas n'importe quoi. Depuis quelques mois, on voit de plus en plus de déchets arriver dans nos bulles à textile. Mais c'est quoi, les gens mettent leurs poubelles dedans ? Oui, carrément, les poubelles. Ah ouais. Et donc, nous faisons une collecte sélective de vêtements usagés et rien d'autre. C'est une collecte sélective de vêtements usagés, pas de déchets. Une fois qu'on a mis les vêtements dans la bulle, que les vêtements sont utilisables, il se passe quoi ? Ça devient quoi, les vêtements collectés ? Donc ils arrivent au centre de tri, soit à Herstal ou à Fontaine-l'Évêque dans les Hainaut. Et là-bas, on va les classer en différentes catégories. 60% des vêtements vont être réutilisés en l'état. Et dont une bonne partie va partir dans nos 17 magasins de seconde main en Wallonie. D'accord, donc les vêtements qu'on donne sont revendus. Est-ce qu'ils sont donnés aussi à des gens ? Non, l'objectif c'est de créer de l'emploi en Wallonie. Et donc c'est la principal objectif de cette opération. Il y a plus de 230 travailleurs qui sont occupés dans cette activité de récupération de textiles usagés. Il y a du porte-à-porte aussi qui est organisé, alors c'est pas votre association qui s'en occupe, mais il y a des gens qui viennent récolter des vêtements et qui disent les donner à d'autres personnes qui en ont besoin. On donne à qui ? On va mettre dans les bulles ou on donne à ces gens qui viennent les chercher à la maison ? Alors aujourd'hui, soyons clairs, toutes les opérations en porte-à-porte sont illégales, c'est-à-dire que ces opérateurs n'ont pas les autorisations pour réaliser ces collectes. Il faut savoir que pour collecter, il faut un enregistrement auprès de la région wallonne, mais il faut aussi une convention avec la commune, et ces opérateurs qui distribuent des flyers n'ont pas ces autorisations. Donc c'est des opportunistes purs et durs. Donc on vérifie bien que sur les points de collecte, il y ait le logo solidaire. C'est ça qui nous permet de savoir que c'est une association officielle. Et dans ce cas-là, on peut déposer des vêtements uniquement pour qu'ils soient redistribués et placés dans les magasins. Et donc créer les emplois dont vous nous parliez. Merci beaucoup d'être passé ce soir à l'antenne. Et à très vite, en espérant avec un nouveau chiffre, plus de 27 000 tonnes l'année prochaine. Ça serait bien. Absolument. Un grand merci à vous. Bonne soirée, à bientôt. Bonne il est 18h40, il est l'heure de s'intéresser à l'histoire de Voït. C'est Pop Story avec Marc Toescar. Dans un instant, juste après la pause. Vivacité présente le 50e anniversaire de la Mesnil dimanche 3 juillet. Plongez au cœur du folklore lors d'un grand cortège avec aussi les Chinelles de Fosse-la-Ville, les Porrets de Tilf, les Macrales de Gelsalm et bien d'autres surprises. En invité d'honneur, les Blancs Moussis. Rendez-vous à Malmedy ce dimanche 3 juillet. Info mesnil.be. Pop Story. Marc Toescar. Johann, ou Jean-Sébastien Bach, est un compositeur né en Allemagne le 31 mars 1685 et mort le 28 juillet 1750. Cela peut surprendre aujourd'hui, mais ce cher Jeannot n'était de son vivant qu'un organiste connu que très localement, dans sa paroisse et les quelques quartiers des environs. Depuis, l'histoire et le temps lui ont rendu justice en le classant tout en haut du top classique, et nos contemporains l'ont si bien adapté pour le hisser dans les hit-parades, comme Morane par exemple. Lorsque j'entends sous prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole. Mais ce sont les musiciens chevelus et pompeux des groupes de rock progressif nés dans les années 60 qui lui rendront le plus vibrant des hommages. Le premier de tous s'appelle Jethro Tull, dont le leader Ian Anderson et sa flûte enchantée ont servi avec dévotion la bourrée de la suite numéro 1 en mi mineur pour luth que Monsieur Bach signa entre 1708 et 1717. 1973, Exception, groupe hollandais complètement frappadingue, assoit une notoriété internationale avec son adaptation de la toccata en ré mineur. Cette version va provoquer une flambée du nombre d'apprentis organistes et de consommateurs d'essence de tulipes ou de gouda. L'important, c'est qu'on soit encore tous vivants. Procol Harum est le premier de ces groupes à avoir installé Jean-Sébastien Bach au sommet des hit-parades. Certes, la ligne musicale de A Whiter Shade of Pale, jouée à l'orgue, n'est pas note pour note signée du compositeur allemand, mais inspirée de deux de ses œuvres. On y retrouve un petit bout de la Symphonia en fa majeur, avec une pincée de la suite pour orchestre numéro 3 en ré majeur. Le tout donne le slow le plus atomique de l'histoire de la pop musique. Inspiré de l'œuvre de Bach, A Whiter Shade of Pale est pointé numéro 1 des ventes planétaires en 1967. C'était Procol Harum. Pop Story. L'histoire des hits. Décidément, aujourd'hui, vous êtes gâtés. Parce que là, à 18h45, j'ai encore des cadeaux à vous offrir. Vous savez qu'il y a le beau vélo de Ravel qui démarre ce week-end direction la Calamine. Si vous avez envie de découvrir la région avec Adrien Jovenot et tous ses invités, ça va durer 13 semaines. Et grâce au beau vélo de Ravel et à Vivacité et également à 365.be et notre partenaire Signé Télérevue, vous allez pouvoir gagner tous les jours, durant cette période du beau vélo de Ravel, des entrées pour aller découvrir différentes attractions touristiques un peu partout en Wallonie. Et aujourd'hui, direction une chouette attraction, vous allez partir au Planétarium de Bruxelles. Alors si vous voulez gagner 4 entrées pour aller au Planétarium de Bruxelles, c'est maintenant que ça va se passer. Vous m'envoyez un SMS avec le code RAVEL tout simplement au 6003. Vous irez avec la personne de votre choix, plus encore un ami, plus encore quelqu'un d'autre. Pourquoi pas une sortie en famille. 4 entrées pour le Planétarium de Bruxelles, ça se gagne maintenant. Vous envoyez donc RAVEL au 6003. Je vous souhaite bonne chance. 5 à 7 avec Cyril. Cet après-midi, on parle de pourboire. On a appris dans la presse que les Français étaient ceux qui donnaient le moins de pourboire, mais la Belgique, on n'a pas de chiffres. Alors, est-ce que vous donnez des pourboires quand vous allez au resto, quand vous prenez le taxi, quand vous allez en vacances? Justine de Chigny est avec moi. Bonsoir, Justine. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7, Justine. Vous êtes du genre à donner un pourboire, vous, ou pas? Oui, parce que moi-même, je travaille dans l'Horeca, donc je donne à chaque fois des pourboires. Et alors, déjà, quel montant vous laissez, Justine? Ben, ça dépend, si j'ai mangé pour 80 euros, soi-disant, ben, je vais laisser 2-3 euros, voire 4. Ouais. Si c'est pour 12 euros, je laisse 40 centimes, ça dépend en fonction de l'addition, quoi. D'accord. Et donc, ça dépend aussi la sympathie. De l'amabilité. Ah ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, ça c'est bien, vous laissez des pourboires, mais est-ce qu'à l'inverse, vous en recevez, vous qui êtes dans l'Horeca? Oui, ça dépend, j'en reçois souvent, oui, et je suis toujours contente à la fin de la journée de les garder pour moi. Ah bah ça fait plaisir forcément. Vous recevez combien? Sur une journée, bah, ça dépend donc mes horaires, si je fais du matin ou du soir. Donc si je fais du soir, bah, j'ai entre 15 et 25 euros, et si je fais du matin, j'ai entre 5 et 10 euros, ça dépend. Ah donc les gens sont plus généreux le soir que le matin? Oui, parce que le soir on a beaucoup plus de monde, et aussi les additions sont plus élevées que le matin. Forcément. Bah Justine, merci pour votre avis et je vous souhaite une excellente soirée. Vous allez bosser ce soir justement ou pas? Non, j'étais en congé demain. Ah, ben profitez-en bien. Vous allez faire quoi pour cette journée de congé ? Eh ben, j'ai été acheter mes nouveaux électroménagers parce que je vais me mettre en ménage. Ah, félicitations ! Comment ils s'appellent, leurs élus ? Mathieu. Mathieu. Mathieu, il est gentil, Mathieu, avec vous ? Il est très gentil. Parfait. C'est le meilleur. Bon, s'il y a un problème, vous me rappelez, hein. Pas de soucis. Bonne soirée Justine, à bientôt. Également, au revoir. À 18h48, on va s'intéresser à une chanson. Je vais vous passer quelques secondes d'une chanson, forcément vous allez la reconnaître tout de suite. Alors là, dans l'immédiat, il n'y a pas d'anniversaire à fêter dans l'équipe. Vous allez dire, pourquoi est-ce que je passe cette chanson ? Eh bien parce qu'on en parle dans l'actualité de cette chanson aujourd'hui. Elle est officiellement gratuite, cette chanson. Vous pouvez chanter Happy Birthday sans payer de droits. Alors, est-ce que vous en payez avant ? Bah, souvent, quand on fait des fêtes de famille, non. Mais un juge fédéral qui a validé hier un accord qui dit que la chanson Happy Birthday appartient au domaine public, ce qui fait que maintenant, bah, on peut la chanter tranquillement, alors qu'avant, il fallait a priori payer des droits. Caroline Carpentier, vous êtes avocate spécialisée en propriété intellectuelle et droits d'auteur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Est-ce que c'est une grosse révolution, cet avis d'un juge aux États-Unis ou pas ? Parce que finalement, Happy Birthday, tout le monde le chantait déjà comme ça, sans rien payer. Oui, je pense pas que ce soit une grosse révolution en soi. Ce qu'il est intéressant d'en retenir, c'est que ça découle d'une saga judiciaire. Et ça confirme que la Warner, qui invoquait un copyright sur ce morceau, a dû en fait prouver le fait qu'elle était bien titulaire des droits d'auteur sur les paroles de cette chanson. Et le juge avait déjà invalidé le copyright revendiqué par la Warner par un jugement en septembre 2015. Et donc ici, si vous voulez, ce qui se passe, ce qui s'est passé hier, c'est la validation de l'accord transactionnel qui a été conclu entre la Warner et les plaignants. Donc c'était une action collective par laquelle différents réalisateurs, différentes personnes qui avaient payé des droits d'auteur pour pouvoir utiliser ce morceau mondialement connu, qui est sans doute la chanson la plus populaire au monde, Happy Birthday, et qui rapportait 2 millions de dollars à la Warner par an, d'après les évaluations que j'ai pu consulter. Eh bien ici, c'est une action collective qui a été initiée pour invalider le copyright revendiqué par la Warner. Et donc ça pose la question du sort des œuvres dont on ne peut plus réellement prouver qui en est l'auteur, ou dont, en tout cas pour les paroles, la Warner n'a pas pu prouver réellement qui était l'auteur des paroles, et donc de ce qu'on appelle les œuvres orphelines, pour lesquelles il devient impossible d'identifier l'auteur. Alors parfois, comme c'est le cas ici, parce que la chanson à la base, qui avait été créée par deux sœurs aux États-Unis en 1893, en tout cas dans les années 1800, c'était une chanson qui était destinée à accueillir les enfants qui arrivaient à l'école. Et donc c'était good morning to you, good morning to all. Mais finalement, on n'a jamais pu réellement déterminer qui avait transformé les paroles au point que ça devienne des paroles de fête d'anniversaire et pas cet accueil des enfants dans les écoles au départ au Kentucky. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème. On sait qu'on peut utiliser cette chanson tranquillement, mais sur rtbf.be, le titre, c'est « Chanter Happy Birthday » désormais officiellement gratuit. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chansons, si on les chante en famille, imaginons, on a plein de potes à la maison, c'est une communion, on chante, il faut qu'on paie des droits, quelle que soit la chanson qu'on chante alors. Mais non, en fait, y a, effectivement, on a toujours pu chanter Happy Birthday dans les fêtes de famille, parce qu'heureusement, il y a des exceptions qui sont prévues au monopole que confère le droit d'auteur sur l'œuvre. Et donc, le droit d'auteur est un droit exclusif qui permet à l'auteur d'interdire une reproduction ou une communication au public de son œuvre sans son autorisation. Mais il y a bien heureusement des exceptions qui sont prévues à ce droit, notamment la communication dans ce qu'on appelle le cercle de famille, dans un cercle privé. Et donc ici, ce qui change par rapport à cette chanson Happy Birthday, c'est le fait que on ne devra plus payer de droits à la Warner en tout cas. Bon, on peut toujours imaginer que des auteurs apparaissent, puisque finalement on n'a pas pu identifier les auteurs ici. Donc la Warner a dit qu'elle renonçait à revendiquer les droits d'auteur sur ses paroles. On imagine qu'il est très très peu vraisemblable que des ayants droit débarquent maintenant pour revendiquer des droits d'auteur. Peu de chance qu'ils soient encore là. Tout le procès, voilà. Bon, on sait jamais. S'ils écoutent Vivacité en ce moment, qu'ils se manifestent, c'est un peu l'euro-million. Il y a de l'argent à se faire. Voilà, mais ce qui change évidemment, c'est pour toutes les personnes qui voudraient utiliser ce morceau dans un cadre professionnel pour réaliser des publicités, des documentaires, dans le cadre de spectacles. Aujourd'hui, c'est ce qui sont s'est passé aux États-Unis. C'est évidemment l'ironie de la situation, c'est qu'une des personnes qui agissait dans le cadre de cette action collective était précisément une réalisatrice qui voulait réaliser un documentaire sur la chanson et son histoire, et à qui on a demandé 1 500 $ pour pouvoir utiliser la chanson dans le cadre de son documentaire. D'accord, et de là toute cette histoire. Mais merci pour vos explications, Caroline Carpentier. Je vous souhaite une excellente soirée. Et à vous également. Voilà, tout est clair. On va pouvoir chanter Happy Birthday tranquillement. Bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Il est 18h52. Voici les enfants de cœur. Et puis juste après, on saura qui repart avec ses entrées pour aller au Planétarium à Bruxelles. Peut-être vous. Vos entrées, vous les gagnez maintenant si vous m'envoyez Ravel au 60-03. Bonne chance. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur. Hey, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour à tous ceux qui sont dans la salle. Je dois avouer qu'avant mon passage avec vous, je connaissais très, très peu la Belgique. Je l'ai traversée une fois en TGV. Ça a pris 3 minutes. On était à 200 km/h. Mais je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment super beau. Tintin, ça a été mon seul contact avec la Belgique pendant très, très, très longtemps. En même temps, je sais que Tintin, c'est pas la réalité belge. Je veux dire, en Belgique, vous pouvez pas tous être ambigu sexuellement. Il est pas ambigu, les ophiles, c'est tout. J'aimerais profiter de mon passage ici, en fait, pour défaire quelques petits préjugés que les gens peuvent avoir envers le Québec et les Québécois. Donc, on va commencer avec les animaux. Au Québec, il n'y a pas de caribou partout. OK? Ça serait important qu'on sorte ça de notre tête. C'est pas fréquent. C'est pas ça, nos animaux de compagnie. Moi, par exemple, mon animal de compagnie, c'est un chat. Je l'haïs, il m'haïs, il est à donner, si ça l'intéresse quelqu'un. C'est ça, des caribous, moi, je pense que j'en ai jamais vu de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Par contre, j'en ai déjà bu. Du caribou, ça, c'est un alcool très, très... Mais pour vrai, pour faire lever un party, boire du caribou, c'est vraiment plus gagnant que voir un caribou. Et puis, petite anecdote, d'ailleurs, moi, je suis allée en Europe et je suis allée dans un zoo et il y avait des ratons laveurs au zoo et ça m'a vraiment insultée de payer pour voir des ratons laveurs. Vraiment. Je veux dire, il y en a qui viennent fouiller dans mes poubelles gratis, écoutez, avoir su que je préfère de l'argent avec ça. D'ailleurs, aussi, au Québec, on n'a pas juste des forêts. Hein, on a des villes, on a de l'électricité, on a le Wi-Fi, on a des autoroutes. Autoroutes sur lesquelles on se promène en voiture et non pas en traîneau à chien. Juste pour que ce soit clair. Aussi, j'aimerais dire à tous les futurs touristes qui vont venir visiter le Québec, juste regarder une map avant de venir. Parce que moi, ça m'est arrivé vraiment souvent de devoir apprendre à des touristes qu'ils ne peuvent pas faire Montréal, Saguenay, Gaspé, Les Rocheuses et Québec dans la même journée. Alors, Gabrielle, que l'on peut faire la Belgique sur une journée. Et voilà la différence. Aussi, au Québec, on n'hiberne pas. J'ai déjà entendu ça. On n'hiberne pas parce qu'on n'est pas des ours. Voilà. Et aussi, on a une gradation quand on parle du froid. Parce que le froid reste que ça fait partie de notre quotidien. Donc, quand on dit que c'est frisquet, ça veut dire que c'est correct. On peut aller vivre notre vie à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Quand on dit qu'il fait froid, on met un manteau. C'est correct. Ça s'endure. Et quand on dit qu'il fait frette, bouge pas de la maison. On reste à l'intérieur. On a aussi de la bouffe, hein? On peut pas passer la poutine sous silence. La poutine, le sirop d'érable, les cabanes à sucre, mais il y a pas juste ça au Québec. On mange aussi du pâté chinois, du pudding chômeur, des pâtes de sœur, des sushis. OK, il y a de tout. Gilles en a parlé un petit peu tantôt aussi, mais on n'a pas juste Céline Dion comme artiste. OK, dire qu'on a juste Céline Dion, c'est comme si je vous disais que vous les Belges, vous avez juste Lara Fabian. En bon québécois, ça a pas de crise de sens. Aussi, et là je le sais, je l'ai entendu un peu dans votre jingle, mais quand vous essayez d'imiter notre accent, faites pas ça, faites pas ça. Vous l'avez pas, vous l'avez. Puis je pense qu'il est temps qu'on vous le dise. Ça paraît que vous êtes pas des vrais Québécois. Ça paraît. Faites pas ça, faites pas ça. D'ailleurs, quand vous venez au Québec, juste soulignez que c'est vous qui avez un accent. C'est pas nous qui avons un accent, OK? Faut aussi essayer d'arrêter de nous trouver des comparatifs. Tu sais, les Québécois, vous êtes des Français américanisés. Les Québécois, vous êtes des Américains qui parlent français. Les Québécois, vous êtes des Canadiens. On n'est pas des Canadiens, OK? On n'est pas... Si nous dire qu'on est des Canadiens, c'est comme si nous, on vous disait, les Belges, vous êtes des Français. On fait pas ça. C'est vraiment juste méchant. C'est vraiment juste méchant. Et voilà, nous, les Québécois, on est des Québécois. Voilà. Merci. Et tellement sympathique, et tellement accueillant, tellement généreux. Merci. Ouais. à tous, au public, et bravo à Gabriel Caron. Retour des enfants de cœur demain dans le 5 à 7 et bravo à Karina d'Abbé-Laneuve qui repart avec ses entrées pour le Planétarium à Bruxelles. Bonsoir Philippe Jauniaux. Salut Cyril, je suis pas tout seul, il y a Céline qui est là aussi. Ah, oh, vous êtes bien là. On arrive juste après les infos. À demain vous. À demain. Et nous à tout de suite. Moi je fais un métier, moi, le marché. Il y a un contact direct avec les gens. Hein. Ça permet de découvrir toutes les cultures et c'est un enrichissement. Hein. On retient les bons conseils de tous les gens. Oh non, ça c'est chouette. Moi j'aime bien encore la mentalité de Bruxelles. C'est 40 ans que je pratique. J'ai commencé place Sainte-Catherine, donc quand même un bon endroit. Hein. Ah, ça me fait toujours la preuve. J'ai 72 ans, hein, donc ça va. Hein. Et ça c'est Bruxelles. Vivacité, Bruxelles nous rend complices. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Du 2 au 24 juillet, Vivacité vous donne rendez-vous sur les routes du Tour de France. Toute l'actu du Tour, les particularités de l'étape, les enjeux, le tourisme et bien sûr la course avec les arrivées en direct. Du lever des coureurs jusqu'au podium, ne ratez pas un instant de la grande boucle. Le Tour de France, vivez-le en direct sur Vivacité. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Le Festival Couleur Café. Avec Chic et Nile Rodgers, Arnaud, Selassou, Oxmo Puccino, Magic System, De La Soul, Neka, Youssoundour, Brigitte et Soprano. Festival Couleur Café, les 1er, 2 et 3 juillet à Tour et Taxi. Découvrez l'affiche et réservez vos places sur couleurcafé.be. Avec Vivacité et La 2. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Alors revivez l'étape de Tournai comme si vous y aviez participé avec, en tête de peloton, une enfant du pays, Esmeralda Labi. Elle nous fera redécouvrir la cathédrale aux 5 clochers enturbanés, chef-d'œuvre architectural de l'Occident médiéval, comme le Beffroi et le Pont des Trous, ce dimanche, après le JT de Trésor, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Il est 19h. David Riffon, bonsoir. C'est une nouvelle conséquence de l'utilisation de plus en plus massive d'Internet. Les bonnes vieilles pages d'or n'ont plus la cote. Le groupe Trouveau qui édite les pages d'or. Le groupe Trouveau dépose le bilan. Près de 600 personnes risquent de perdre leur emploi. Le personnel a été informé ce matin. Toutefois, une offre de reprise aurait été déposée. Elle est pour le moment analysée par le curateur. Cette offre du groupe FCR Media Belgium permettrait de sauver jusqu'à 310 des 580 emplois menacés. Judiciaire, le jury de la cour d'assises de Luxembourg a reconnu coupable la mère de Célia et son ancien compagnon, coupable de meurtre sur la fillette. Célia, 20 mois, était décédée le 28 octobre 2013 à Messancy des suites de violences dans la sphère familiale. La petite Célia a succombé aux nombreux coups de poing reçus. Le débat sur la peine aura lieu demain.